Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez sur 91.3. 91.3. Avec Cultura, retrouvez la voix du geek. Cultura, l'esprit gamer. Il est 19h. Retrouvez l'Infernal et son équipe dans La Voix du Geek, l'émission 100% jeux vidéo sur O2 Radio. C'est pas vrai? Alors tu montes le son et tu fermes ta gueule. Allez, salut à tous, bienvenue dans La Voix du Geek, saison 4, mesdames, messieurs. Et oui, c'est dur de rentrer sur ce morceau d'Indiana Jones, hein. Émission placée sous le signe des fantômes avec le thème de Ghostbusters. Le mec qui est hyper calé, quoi. Yes, allez, welcome, bienvenue à vous les 19h, nous sommes mardi. Et oui, déjà, mesdames, messieurs, c'est déjà passé une semaine depuis la semaine dernière. C'est un truc de ouf. D'après un savant calcul que j'ai fait, il s'est passé 7 jours depuis mardi dernier. Oh. Et oui, alors Gusty, qu'est-ce que... On a décidé de faire les cons avec les micros ce soir. D'accord, en plus c'est très radiophonique. On va avoir l'air bête, on se la joue pas flarage. Voilà. C'est ça. Micro à l'envers. Bref, on est en direct, on est parti pour 1h30 de jeux vidéo et de bonne humeur comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien chez vous, vous de l'autre côté du transistor. Comme d'hab, on est en stream aussi hein, sur Twitch, Twitch TV. Alors vous tapez twitch.tv/ la voix du geek, la voix avec un E, et vous nous verrez en direct. Il y a déjà quelques personnes qui nous regardent en live. Vous êtes 6, tiens, il y a John, il y a l'amical du geek, je vais vous en parler dans un instant. Puis il doit y avoir quelques habitués. Alors il y a eu un bruit dans le studio, on vient de perdre... Il a pété le micro. Non mais ils ont des positions... Moi, pas de quoi tu parles, j'ai rien pété moi, attends. Ils ont des positions improbables. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre dès maintenant sur Facebook et sur Twitter, La Voix du Geek, La Voix avec un E. Moi, j'irai tous vos messages en direct. Ah ouais, carrément quoi. Carrément, alors ils prennent des positions improbables. Ils sont à l'envers, les jambes en l'air et tout. Bon, bref, une bonne émission qui nous attend, une émission spéciale Star Wars. Eh bien oui, parce que l'épisode sort dans moins de 2 semaines. Oui. Et puis ce soir, nous faisons le test de Battlefront, un jeu qui a eu plein de bananes sur plein de sites spécialisés. Eh ben nous, on a adoré. Et on va vous dire pourquoi. Oui. On va vous expliquer tout ça. Bref, dans cette émission, on va faire plein de choses. On va se faire les news jeux vidéo. À la nuit, on s'écoute du son, on s'écoute I Am avec le côté obscur, et ça fait 1000 ans. Ouais. Ça fait un bail. L'Empire un du bail. Côté obscur. Ça va faire zizir. Après, on reçoit nos amis de l'Amicale du Geek via Skype. Donc ça va être un bon délire aussi. On va parler de Star Wars avec eux. Ils vont se présenter, bien sûr. Hein. Et puis, on va parler de Star Wars un petit peu. Goustique nous a préparé quelques petites choses sur l'épisode à venir. Exactement. On va voir. Moi, j'ai pas mal de questions, d'ailleurs, là-dessus. Alors, moi, je vous le dis, hein, j'ai repris le boulot. Donc, j'ai pas bossé des masses. J'arrive un petit peu les mains dans les poches, quoi. Mais bref, les mains dans les poches. Les mains dans les poches, à côté de mon pitch, quoi. Toi, le je truc. Pense quoi. À ça, en plus. Bref, on fait ça. À 20h, on s'écoute. Oh putain, c'est de l'anglais. All Nation. All Nation. All Nation. All Nation. Yes, it is. Avec Sail. C'est un bon morceau qu'envoie le pâté. Et juste après 20h, on se fait le test de Battlefront sur PS4. Oh là là, mon dieu. On a des choses à vous raconter. Oh oui, oui. Et puis tiens, on va commencer par les absents. Car ce soir, bon. Kogu n'a pas pu venir pour des raisons personnelles. Eiki non plus. Et en fait, en rangeant un petit peu les archives de La Voix du Geek, mesdames, messieurs, je suis retombé sur une petite pépite. Alors attendez, hop, je vais vous la retrouver. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques années, au tout début de l'émission La Voix du Geek, j'étais seul avec Eiki. Et en fait, on s'amusait un petit peu à se troller chaque semaine. On s'inventait des petites intros sous forme de sketchs, des pièces radiophoniques. Et en fait, on se présentait comme ça un peu. Donc chacun notre tour, on s'envoyait un truc. Et je suis retombé là-dessus. Et Eiki, je lui avais préparé ça. Eau de Radio présente Eiki et son orchestre. Revivez tous ses plus grands tubes sur ce double album exceptionnel au format MP1. ses plus grandes reprises avec bien sûr I Got a Feeling des Black Eyed Peas. I got a feeling every night gonna be a good night. Le tube interplanétaire de Psy, Gangnam Style. Wopang Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Hey. Et son tube inédit, mais que c'est bon les lasagnes. Oh là là, les lasagnes, j'adore ça. Au petit déjeuner et puis même au goûter. Du matin au soir, les lasagnes, j'en fais gaga. Et oui, c'est super, elles ont un goût de poney. Vous pouvez reconnaître à mon magnifique accent anglais, American. Donc voilà, je suis retombé là-dessus. Donc il est pas là ce soir, il a eu du boulot et tout. Mais je voulais balancer ça. Et en fait, il y en a d'autres. Je pourrais, pour l'émission, la dernière de l'année, je pourrais vous faire écouter 2-3 casseroles. Parce qu'il y en a, il y en a quelques-unes qui sont bien chargées. Allez, tiens, je mets la bande son de d'habitude. C'est la cantina, donc c'est dans le ton. Et puis Acoustique qui est là. Comment ça va, mon bichon? Eh ben oui, comme tu vois, je ne suis comment pas... Comment ça va? Eh ben oui. Eh ben oui. Eh ben oui, Maryse. Non, mais écoute, ça va très très bien. Je suis un peu crevé aussi par, ben voilà, je bosse un petit peu de temps en temps avec l'Infernal, dans le même magasin que l'Infernal. Et t'es pas arrivé une mésaventure, je crois. Oh, si tu veux, bah je peux en raconter. Hein, allez, vas-y. Allez, bon, si vous voulez, ça fait 2 semaines que je travaille à la FNK pour la marque GoPro, donc les caméras sportives. Et en fait, le premier jour, alors là, c'était la grosse cata. C'est que le magasin n'était pas au courant que j'allais faire une animation pour les caméras GoPro. Donc tu vois la gueule du chef de rayon, il me renvoie balader bien gentiment. Les heures s'installent et tout. La caméra qui ne voulait pas marcher. Donc du coup j'ai fait une partie de la matinée à aller au SAV. C'est partir plus de 3h30, j'étais au téléphone avec un espèce de apou de GoPro. Bonjour monsieur, c'est quoi votre problème sur la GoPro? Mais c'était limite ça, ambiance Slumdog millionnaire, voilà, il manquait plus que les bouches d'égout quoi. Et du coup, après je prends ma pause et là entre 14h et 15h, j'étais en train de faire une démonstration. J'avais laissé poser ma GoPro en stock, tu vois. Je n'ai fait juste qu'un simple aller-retour et là la caméra tourne magie. Ah y a plus. Alors là c'est la grosse débandade dans tout le magasin. J'en parle à mon chef de rayon. Là, déjà, qu'il pouvait pas me trop me blairer le premier jour. Il dit, mais vous êtes qui? Déjà, je lui dis, bon, écoute, excuse-moi, mais voilà, la caméra a été volée. Puis là, il fait, oh putain, mais qu'est-ce que c'est, bordel de merde, quoi, tu vois, c'était. Ah, le mec, il en avait plein le cul, déjà. Ah, le mec, c'était John McClane, quoi, tu vois, enfin, c'était pas sa journée, quoi. Et, du coup, voilà, après, il y a eu la sécurité, machin et tout. Il fait, non, on a rien vu, on a pas vu la caméra, on a fouillé tous les sacs. Je fais, oui, mais bon, entre temps, peut-être que le mec, il s'est barré aussi, quoi. Et Non, il était tranquille dans le magasin en train de filmer, genre. Et tout ouais, il avait son front. Il était juste dehors, il faisait coucou. Et non, c'est bon. Et puis après, voilà quoi. C'était un petit peu mes péripéties de ma première journée dans ce magasin. Et puis après, sinon ça se passe très bien. Et ah mais si, dimanche après-midi, il y a bon, je peux dire le nom du magasin. Au pire, c'est pas grave. Oui, vas-y, oui. Vas-y. Il y a la Fnac qui m'appelle. Voilà, je revenais de, enfin, j'étais en pleine décu de soirée. Avec... Attends, je vais en profiter pour. Alors, vas-y. Je fais juste une parenthèse. Je vais envoyer un texto à Bibine pour qu'il écoute ce soir. Ah oui. Et normalement, j'ai réglé le problème pour les Twitchers, ceux qui nous suivent en direct. Il y avait un petit problème de son. Normalement, c'est réglé. Laissez-moi des messages pour me dire si c'est bon. Vas-y, j'envoie un texto. Allez, vas-y, envoie un texto. Donc, je revenais d'une soirée avec Jessie là que j'embrasse, qui écoute souvent La Voix du Geek. Et là, je reçois un appel manqué. Bon, du coup, je rappelle, tu vois, subitement. Et en fait, là j'entends, oui bonjour, Fnac de Bordeaux, vous travaillez bien pour nous? J'ai fait, oui, je fais les animations GoPro et tout. Il fait, oui c'est ça. Alors, est-ce que ça vous tenterait de travailler ce soir de 17h à 21h? J'ai fait, c'est un peu trop tard de me le dire là, parce que là je suis dans le train pour aller à Liban, pour rentrer chez moi. Et là... Le mec me sort, oui monsieur, mais faut accepter le travail qu'on vous propose quand même. Mais tu sais, d'un ton hyper sec, quoi, putain, tu vois. Mais quel con. Et là, j'étais comme ça, je lui fais, pardon? Il fait, monsieur, je vais vous le répéter, mais faut accepter tout le travail qu'on vous propose, là. Attendez, Il écoute, en fait. Je vous propose un 17h, 21h30, ça se refuse pas. Et là, au moment où il a répété la deuxième fois, j'ai reconnu sa voix. Ce n'était pas le boss de la Fnac, c'était Mister Bibine, voilà, qui m'a fait un gros fail, voilà. D'accord. Alors, okay. J'ai envie de dire, il a été coaché par Kogomasa parce qu'à la base, il voulait se faire passer pour la gendarmerie, comme quoi j'avais volé une caravane à Libourne. Quoi, genre, sauf qu'il se souvenait d'accord. plus de, du nom de mon patelin. Donc voilà, okay. Bibine, c'est Libourne. La prochaine fois que t'as envie de me troller, ça sera à Libourne. Mais tu sais que Goustique, j'ai déjà appelé comme ça, hein, une oui, fois, c'est vrai. En me faisant passer pour la gendarmerie et tout. J'ai flippé, moi. Je l'ai entendu changer de couleur au téléphone. Ah, je te jure. Ah ouais, ouais. Je fais bonjour, gendarmerie là. Patrick, pas trop la chier. Ouais, c'était un peu ça. Ouais. Mais je te jure, il a halluciné quoi. Mais j'aime bien. Tiens d'ailleurs, en parlant de ça, il est sur le chat là. Je me suis un petit peu fait troller aussi moi sur Facebook. Ah, ah oui, oui. En fait, le truc c'est dimanche soir, en fait, je suis passé dans Capital sur M6 parce que je visitais le Lego Store. En fait, il filmait, donc on a vu la caméra, donc évidemment. On est passé devant pour faire les cons, tu vois. J'ai mis les lunettes et tout, genre rappeur américain et tout, tu vois. Et au final, je bossais, donc dans le grand magasin aussi. Puis mon téléphone, il arrêtait pas de vibrer, tu vois, mais un truc de ouf. Et genre, il y a un collègue qui vient me voir, il me fait, mais t'as vu sur Facebook le truc qui se passe et tout. Je dis, ah, mais non. Il me fait, mais tu te fais troller de ouf et tout. Pendant ma pause, je check et les enfoirés, ils avaient fait une espèce de une photo où on me voit une capture d'écran en fait. Et genre, tout est flouté sauf ma tête. Et c'était genre, on le recherche activement, il a volé une pièce de Lego et tout. Espèce d'enfoiré, John. Tu vas vite comprendre pourquoi on m'appelle l'Infernal. La vengeance est un plat qui se mange froid. Tu vas pas être déçu, mon poulet. Mais t'inquiète pas en tout cas, John, parce qu'il était hyper inquiet après. Il fait, non, mais c'était pour rire et tout. Mais oui, t'inquiète, on s'en fait plein des trucs comme ça. Genre Goustique, j'ai eu une période où c'était ah Goustique, je suis avec un mec qui te connaît. Ah oui. Il oui. fait baisser qui et je lui envoie une photo de mon cul. Enfin voilà. Mais je l'ai encore. Hein. Je l'ai c'est encore. Vrai. Oui, je l'ai encore. Si vous voulez la, si vous voulez voir le cul de l'Infernal, n'hésitez pas. Genre Goustique, je suis avec quelqu'un qui te connaît. C'est qui mon cul, voilà. Ouais, bon, enfin tu me diras s'il connaît ton cul, c'est un peu space. Hein. Ouais, j'avoue. Ouais, mais je connais pas que son. Mais enfin bref, mais alors. On va pas rentrer dans les détails. Oui, voilà, c'est vrai, c'est vrai. Et puis Dandy est là, comment ça va mon poulet? Bonsoir. Oh yeah. Oula. Bah alors, bonne semaine. Ouais, niveau boulot, bah je pense que c'est comme toi. Hein, non mais niveau jeu, on te parle là. T'es dans la voie du geek. Voilà. T'es pas dans Capital, merde. Dans la voie du geek. Eh oui, je suis passé dimanche dans Capital et dans deux semaines, en fait, entrer l'accusé. Hein. Ouais. C'est pas ici BFF Business, d'accord? Oh merde, je me suis trompé dessus, oh, désolé. Là. Non bah écoute j'ai joué toujours à Fallout l'infinissable jeu où quand t'avances et que t'as oublié de faire ta sauvegarde tu pètes un plomb et t'as plus envie de jouer et pourtant j'ai l'habitude de sauvegarder mais alors il y a des moments tu joues un quart d'heure t'as oublié de un quart d'heure et pff, ah bah pas, oui y a pas de sauvegarde automatique dans Fallout non bah si y en a mais oui mais c'est que quand tu prends une porte de, dans un bâtiment en fait genre tu la prends tu la dégondes voilà. Et tu pars avec tu pars son avec, bras ouais. Et non et après j'ai essayé de faire la bêta ouverte de Rainbow Six avant la sortie sauf que voilà beaucoup de gens ont gueulé et ça d'ailleurs j'aimerais juste mettre une petite gifle et tirer les oreilles au petit con là qui gueule quand... tu peux me la prendre s'il te plaît. Quand tu as une bêta à quelques jours du jeu tout le monde pète un câble en disant hey, les serveurs ça marche pas nanana, nanana. Mais c'est fait pour tu vois c'est pour tester les serveurs c'est pour et oui. Justement que quand le jeu sorte il soit bien comme il faut que quand tu puisses enfin que quand tu lances ta partie tu puisses jouer correctement et il y en a qui en lançant la bêta hey, c'est vraiment un jeu de merde moi ah je, oui, bah... je l'achète pas ou c'est de la merde Ubisoft allez vous faire machin voilà on s'en est rendu bon, compte bref. Avec la bêta de Battlefront ben voilà qui en fait qui sincèrement qui était pas du tout vendeuse par rapport au produit final quoi. C'est ce que j'allais dire alors que... il faudrait juste rappeler aux gens ce que c'est qu'une bêta parce que pour beaucoup c'était le jeu final hein. Ouais, il y a des débiles partout non c'est juste une démo test un petit peu. Le jeu est beaucoup plus joli, hein, d'ailleurs. Bah, en gros, ouais. Même une bêta, c'est carrément un jeu qui est pas forcément fini, dans lequel on veut tester des techniques, des trucs, voilà, pour voir si ça fonctionne, notamment les serveurs. Ce qu'ils appellent les stress tests, donc c'est pour pouvoir justement voir si avec l'affluence, la grosse affluence de joueurs qui arrivent en même temps sur des serveurs, ça tient ou ça tient pas. Forcément, ça a pas tenu, tout le monde a gueulé, mais en même temps, les gars, c'est fait pour quoi. C'est pas le jeu fini, quoi. Et donc non. Voilà. Et au final, bah, quand le jeu est sorti, tout le monde a dit « Oh là là, ça a rien à voir avec la bêta !» Bah ouais, mais voilà les gars. Bah, c'est donc, le but du jeu, quoi. C'est ça. Donc, bah écoute, depuis... alors j'ai voulu y jouer hier soir parce que j'ai pu l'avoir en avance, le jeu, de un jour. Bah sauf qu'en fait... Sécurité. Sauf que voilà, vu que c'est un jeu qui se joue en ligne, eh ben ils avaient bloqué le jeu. Donc jusqu'à 6h du mat ce matin. Donc impossible d'y jouer... C'est quoi cette petite c'est Facebook qui fait okay, ça. Ok, d'accord. D'accord. Bon, ben voilà. Sinon, Rainbow Six Siege, très très bon. Je suis en train d'y jouer en ce moment. Par contre sur PC, parce que je me suis rendu compte qu'en faisant la bêta sur PS4, c'est juste, enfin moi perso, c'est affreux. C'est affreux pour moi de jouer parce que j'ai pas la même réactivité à la souris qu'au joystick. Tu dois utiliser deux trucs, alors que là, t'as ta souris, boum, tu vois, c'est plus vif. Alors que le joystick, on va pas rentrer dans le débat. Oui, console, non, mais il y a deux écoles, clairement. Il y a deux écoles, et c'est vrai que moi, j'adore la console de salon, mais pour tout ce qui est jeu de réflexe, je peux pas sur console. Quoi. J'y arrive pas. Yes. Et puis je vais faire aussi un bisou à Wendy, qui va se reconnaître, et puis qui va falloir qu'elle m'explique ce qu'elle m'a écrit là-dessus. Je sais pas si elle voit. Je viens de découvrir qu'il m'a écrit un truc en chinois sur mon cahier. Si tu vois ça dans Matrix, tu sais, tu vois, au début, en fait. Comme ça, là. C'est très radiophonique, hein. Voilà. Bah, donc, c'est vraiment du chinois, en fait, pour le coup. Non, mais c'est vraiment du chinois. Et donc, je comprends rien du tout. Donc, si tu peux m'envoyer un message pour me dire ce que tu as écrit, ça serait cool. Merci. Et tu veux peut-être lui passer un message qu'elle achète du pain pour après l'émission, non? Ah bah non, du tout. Oui, voilà, c'est tout. Et yes, et puis bah moi j'ai passé une petite semaine tranquillou, j'ai beaucoup joué à Battlefront, j'ai atteint niveau 50 tout à l'heure, donc le level cap, hein. On peut pas aller plus loin. Bravo. On en parlera plus en détail tout à l'heure, mais voilà, il y a des modes qui sont complètement pétés, genre l'avion. Le mode squadron là, une fois que t'as trouvé où sont le Faucon Millenium, enfin les petites pièces, on rentrera plus dans les détails tout à l'heure, mais c'est mort. Moi je les ai à chaque partie, je fais du 15 000 à chaque fois quoi. Donc c'est 70 000 entre chaque niveau à la fin. Voilà, tu fais 4 parties et t'es déjà rendu quoi. Alors pour un jeu, j'espère sincèrement, on rentrera plus dans les détails tout à l'heure, je me répète, mais c'est le cas, mais j'espère sincèrement qu'ils vont augmenter le truc, parce qu'il est sorti il y a 2 semaines. Sachant que la semaine dernière, il y avait déjà des mecs qui étaient rang 50. Parce qu'en fait, tu débloques que des bonhommes. Mmh. Donc, vous me verrez passer en Stormtrooper noir, mesdames, messieurs. Tout brillant et tout qui pète. Et puis, j'ai joué à Just Cause. Qu'on teste la semaine prochaine. Et qui est une belle merde, en vrai, en fait. Je suis hyper déçu, quoi. Ce que j'allais dire, toi qui l'attendais parce que t'étais fan du 2, je me fais chier quoi. Y a pas de multi en plus dans ce 2. Non. Hein, dans ce alors point. Si tu peux comparer tes scores en ligne, pas un coup fin. Ça c'est le faux multi qu'on peut voir sur les boîtes en disant ouais tu peux jouer en ligne et puis tu vas voir ton meilleur score avec ton pote et puis c'est écrit en tout petit, tu vois. C'est ça. Honte, quoi. Bon bref, j'ai pas rentré dans les détails parce qu'on est bien à la bourre déjà si on veut faire les news. Mais bref, c'est vraiment pas terrible Just Cause. On le teste la semaine prochaine. Vous voulez que j'envoie la musique des news? Ouais. Oh oui. Allez, c'est parti. Allez, qui s'y colle? Comme chaque semaine? Ah non, vas-y, Goustique. Allez. Ok, très bien. Eh bien, moi, je vais vous parler de DC Comics, et plus précisément de la Warner Games Montréal, puisque ces derniers ont annoncé qu'il y aurait 2 jeux en préparation de la licence DC Comics. Alors, pour l'instant, on ne connaît pas encore les titres. Il y a des bruits de couloir comme quoi ça serait peut-être une suite à Injustice ou alors un open world sur Man of Steel, Superman, ou alors la suite de Batman Arkham Origins 2. Et là, non. Est-ce que c'est un jeu qui a une fin ouverte? Origins, j'ai pas été au bout, moi, ça m'a gonflé. Moi, honnêtement, j'ai joué juste 5-10 minutes et je me suis dit c'est un copier-coller d'Arkham City. Il y a rien qui est changé, sauf si un Gotham enneigé, mais et un Batman un peu plus jeune vu que ça se passe 7 ans avant Arkham Asylum. Oui, voilà, ouais. Mais sinon, après, c'est un copier-coller des deux premiers jeux qui étaient sur 360 et PS3. Après, si ils renouvellent un petit peu au niveau du Arkham Origins ou s'ils vont un petit peu bien en avant ou bien en après de Arkham Knight, s'ils donnent des nouveautés ou quoi que ce soit d'autre, ça peut être sympa. Mais honnêtement, je mise pas de la thune sur ce Arkham Origins. On ne sait pas encore, hein, bien sûr, mais ils ont juste dit qu'ils annonçaient 2 jeux de la licence DC Comics et peut-être ça sera sur Suicide Squad, le prochain film qui va arriver au mois d'août. Et puis voilà. Moi, honnêtement, j'aimerais bien que ça soit Injustice 2 parce que moi, j'avais bien kiffé sur PS3. C'était un bon jeu de combat comparé à Mortal Kombat versus DC Universe qui était une belle merde. Quand c'est de la merde, c'est de la merde, il faut le dire, hein. Et voilà. Et un open world Superman, pourquoi pas, mais c'est risqué quand même. Enfin, alors, c'est un peu dur à cerner, je trouve. Le truc, c'est que il y a eu un jeu Superman open world qui était sorti sur Nintendo 64 à l'époque. Oui, avec les cerceaux, oui. Qui était un gros nanar. Le truc, c'est que vu que Superman est complètement pété dans l'idée, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Je sais pas. Bah, on verra bien. Ouais. Après, ce serait cool, hein. Un peu l'esprit, tu vois, d'Arkham Asylum, par exemple, avec Man of Steel. Ce serait cool, ça. ça peut donner un bon rendu. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. C'est juste que deux jeux adaptés de la licence DC Comics. Et ils recrutent à côté de chez vous, comme la Marine nationale. Exactement. Vas-y, Dandy. Alors moi, je vais vous parler de Rockstar. Oh l'enculé. Ah oui. Ah, je l'ai noté. Allez, c'est la news qui fait croustiller toutes les oreilles. Et la noire 2, non Alors il y a un internaute qui a demandé récemment à Danny Ross, un ex-employé de Rockstar, qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment? Quel sera le prochain jeu de Rockstar? Et le mec a répondu, alors littéralement en anglais, really? D'un bass. Really? Two. Donc en gros, littéralement en français, c'est vraiment, espèce de crétin, vraiment deux. Alors jusque là, tout le monde s'est dit, c'est quoi cette réponse de con? On comprend rien à ce qu'il dit. Le mec, il a dû écrire son truc en étant bourré. Et en fait, les plus pointus ont réussi à comprendre. Alors après, ce n'est qu'une rumeur. Attention, rien n'est sûr. Que si on prend chaque première lettre de chaque mot, ça fait R D R 2. Okay. Donc Red Dead Redemption 2. D'accord. Okay. Donc un indice peut-être. Quoi, en gros. Voilà, c'est un message codé pour dire peut-être attention, on a du Red Dead qui arrive très prochainement. Alors honnêtement, moi j'ai pas fait le 1, mais je l'ai vu parce qu'on l'avait offert à mon petit frère qui avait la Play 3 à l'époque. Oh là, c'était jouissif. Mais quoi. C'est génial. Ah, ce jeu, il est énorme. Et je me dis sur PS4, un Red Dead Redemption avec ton cheval. Ah non, mais c'est sûr. Mais là, les gars, enfin si c'est ça, laisse tomber. Parce quoi. Qu'après, ils tournent pas sur 50 licences. Ils tournent sur GTA, c'est fait. Et Max en plus, Payne. Ils ont un cycle. Ouais. Max Payne. Max Payne GTA, c'est mort. C'est Red Dead. Et les noirs. Et les noirs. Et le jeu de tir agent. Il y avait aussi The Warriors aussi, qui était sur PS2. C'était une guerre de gang un petit peu. On verra. Mais à Red Dead, c'est sûr. Alors là, ce week-end, il y a un événement en plus, hein, jeu vidéo là. Game Awards. Yes. Donc on va peut-être, va savoir. Ce serait énorme. Qu'il nous lâche un trailer. Ça m'excite. Je reviens. Il nous lâche un trailer de Red Dead Redemption 2. Va falloir que je porte des couches ce jour-là, moi. C'est ça. Allez, moi j'enchaîne. Tiens, ça fait râler tout le monde. Évidemment, les temps de chargement, c'est bien relou. Oh oui. C'est bien relou. Eh bien, imaginez-vous que Namco Bandai, en 95, avait déposé un brevet pour qu'on ne puisse pas mettre de mini-jeux pendant ces temps de chargement. Mmh. Et ouais, pas cool. Et en fait, eh bien, ce brevet est arrivé à terme le 27 novembre, donc il y a 3 jours. Donc maintenant, les développeurs peuvent, s'ils le veulent, mettre des mini-jeux pendant que ça charge. Alors évidemment, ils ont trouvé des petites feintes. En général, les temps de chargement, on les voit pas. C'est pendant une cinématique ou autre chose. Il y a juste quelques jeux qui sont passés à la trappe. Il y a FIFA, par exemple, où on peut s'entraîner, machin. Et Bayonetta, où on peut faire bouger l'héroïne et tu sais, c'est un comme le tuto de Street Fighter. Alors après t'as Nintendo qui a fait ça aussi, mais c'est des petits trucs discrets. En général c'est plus du style casino, tu sais, où t'as un truc qui tourne, t'arrêtes et t'alignes les trucs. Eh ben normalement, s'ils font ça, ils sont dans l'illégalité. Eh ben maintenant c'est trop tard. Ouais, carrément. Mais t'imagines quand même, c'est chelou de se dire ça. Ah non, mais attends, les mecs à l'époque qui ont créé ça, c'est des enfoirés. C'est des mecs qui créent du jeu vidéo, mais juste pour du pognon, pas pour amuser les gens. Et ça, ils se sont dit, ouais. Non mais attends. Les temps de chargement, ils se les prêtent dans la gueule, mon gars. Ils se les prêtent dans la gueule. Voilà ce qu'ils font. Donc du coup, voilà, les développeurs, ils te mettent des tartines de texte à lire souvent, tu vois, du background. Donc là, maintenant, on pourra avoir des mini-jeux pendant les temps de chargement. Bah enfin. Espérons qu'il y en ait. Enfin. J'espère. Bah ouais. Yes, vas-y Goustique. Allez, ben moi cette fois-ci, je vais vous parler d'une petite, d'une grande promotion. Il y a 8 € de promotion sur les yaourts au rayon Fredo de Radio. Ah, pas loin. Je vais vous parler des figurines Disney Infinity que l'Infernal adore collectionner et adore se vanter au-dessus de sa télé HD. En ce moment, c'était gratuit. Non, lui tout seul, c'est l'expo Star Wars Identities quoi. Mais non, en ce moment, si vous voulez, sur Amazon. Voilà, donc si vous achetez 6 figurines de Disney Infinity, de n'importe quelle licence, ça peut être Marvel, ça peut être Star Wars, vous pouvez obtenir un code de réduction. Vous tapez 6 figurines en majuscule et vous avez un code de réduction de 40 €. Donc en général, une figurine ça coûte 10 €. Donc si vous en prenez 6, 14,99 entre 10 et 15 € à peu près. Mais là, elles sont toutes à 10 € en ce moment. Ah, ça va. Si vous en prenez 6 avec le code réduction de 40 €, ça vous revient à 20 € les 6 figurines de Disney Infinity. Ah ouais. Donc c'est un bon plan qui se prolonge jusqu'à début. C'est qui fait ça, t'as dit? C'est les Amazones. Voilà. Ces enfoirés. C'est ça. Parce donc, que nous, deux figurines achetées, la troisième offerte, c'est sympa, mais putain, à côté, ça fait mal. Ah ouais, mais là, vous êtes pas dans le game. Bah là, putain, donc. Et ça devient le marché de la saucisse ici. Ben, dis donc. Ouais, j'avoue. Donc. Mais voilà, profitez-en, ça peut être une bonne idée de cadeau, parce que les figurines Disney Infinity, elles sont pas mal. Là, j'ai vu là le Hulk Buster, là. Oui. Il tombe vachement bien, il est bien foutu, là. Donc du coup, ouais. Je vais essayer de... Elle est fat, hein, la figurine. Ouais, j'avoue. Donc si je peux avoir 5 autres figurines pour 20€, je pense que je vais foncer dessus. Yes. Voilà, ben Dandy, si tu veux. Eh bien alors, moi j'en ai une autre. Parce que Dandy, il a écrit ça de news. Ouais, non, je me suis dit au cas où. Il y a une news qui fait toute une page, effectivement, mais c'est celle dont je vais en parler. On a parlé il y a pas longtemps de la Nintendo NX, donc cette supposée nouvelle console de Nintendo. Non, vas-y, continue de parler, t'inquiète. Il a coupé mon micro. Il se cache derrière l'affiche. Donc la Nintendo NX, donc cette supposée nouvelle super console de Nintendo. Alors pour l'instant, on sait rien du tout, si ce n'est que il y a un site DigiTimes qui a l'habitude justement d'avoir des infos un petit peu en avance. Et qui est assembleur donc de puces électroniques, par exemple pour l'iPhone de chez Apple et compagnie, qui a dit que apparemment la Nintendo NX était bientôt en cours de production de masse vers la fin du premier trimestre 2016. Donc il souhaiterait Nintendo apparemment faire de 10 à 12 millions d'unités produites pour une sortie programmée fin 2016. Donc ça veut dire que c'est imminent. Donc là, en gros, si c'est vraiment le cas, la Wii U, autant vous dire que c'est mauvais pour elle. Hein. Bah, j'étais en train de me dire, va falloir que je trouve un moment pour aller à Easy Cash. Ouais, bah ouais. Alors après, même si Nintendo déjà avait dit que malgré cette rumeur de NX qui était vraie, comme quoi il y aurait bien une nouvelle console dans pas si longtemps que ça, ils avaient dit, nous supporterons quand même encore pendant un moment la Wii U. Alors est-ce que c'est ça se compte en mois? Alors la supporter, est-ce que c'est le terme? Non mais je dis support parce qu'en anglais c'est tout support et je me mélange des fois, désolé. Mais c'est un bon support, hein. C'est un bon cale-porte la Wii U en ce moment. Oui, non, c'est clair. Et donc oui, il y a eu justement donc ce fameux assembleur de puces électroniques iPhone et compagnie, mais il y a pas que ça, il y a aussi plusieurs assembleurs qui sont aussi dans la confidence. Alors j'en citais que quelques-uns, hein, Foxconn Technology, Macronix, Pixar Imaging, Delta Technology, Linksys Precision Industries, enfin voilà, ils sont plusieurs. Donc apparemment ils seraient tous au courant de ça. Ouais, c'est normal. Ouais, mais après on n'a pas eu de retour. Tu sais, normalement on a toujours un petit retour de Ubisoft et compagnie qui dit oui, bon, on a vu la console, elle envoie du lourd. On quoi. A le kit de développement. Voilà, ouais. C'est ça. Là, personne n'a ouvert sa bouche dessus. Donc je me dis, soit c'est un putain de gros secret énorme qui va péter à l'E3, soit c'est possible ça. Soit ça emballe pas des masses. Alors à savoir quand même que la Xbox One pour l'année 2016. Elle va produire 13 millions d'unités. Donc la NX 10-12, c'est quand même pas mal. Ouais. Et la PS4 est à 18 millions. Donc tu vois quand même l'écart. Hein. Ah ouais. Tu sens vers où vont les joueurs, mais à voir. Et moi je me dis, cette année, c'est peut-être l'année où il faut aller à Los Angeles pour le 3. Eh ben on va commencer à économiser, on va faire un E3 auto. Non mais moi je déconne pas, je crois que je vais vraiment y aller, hein, parce que je me dis... Mobilisez-vous, c'est très non important. Mais vu que justement il y a eu un flop avec la Wii U. Nintendo, tu sais, c'est toujours en dents de scie. C'est 64, c'était bien. GameCube, c'était nul. Wii, c'était bien. Et c'était après... bien la GameCube. Attends, oui, non, mais pour les gens, pour la critique en général. Moi, j'ai adoré la GameCube. Bah oui. Comme j'ai aimé la Wii et comme j'aime bien la Wii U pour certains trucs. La Wii quoi ? Mais la Wii. Ah d'accord. Non, mais vas-y, continue. J'ai dit quoi ? Non, mais c'est bon. Non, c'est bon. Ok. Je sais pas, j'écoutais pas. Moi, je vous écoute pas. Tu sais. Ouais, je... il nous écoute pas. Comme je fais de la vaisselle, du repassage. Il est en direct, mais il nous écoute pas. Ah, il fait le cours à la caméra. et donc voilà. Donc moi, je me dis, les gars, si vous voulez, je pense que ça va être un bon E3. Yes. Et bah tiens, juste rapidement, ouais. Avant qu'on s'écoute Ayam avec l'Empire du Côté Obscur, je fais juste un petit point sur les ventes de Rise of Tomb Raider qui est sorti la semaine dernière, vu que tu parlais de la One. C'est une exclusivité. Je pense que Microsoft a fait une grosse boulette. Comparé. À Fallout 4 qui s'est vendu à 1,7 million en une semaine sur Xbox One. Attention mesdames, messieurs, Rise of the Tomb Raider s'est 56. Vendu à 18 236 exemplaires. Oh là, la fessée. Tu te rends compte? 18 236 exemplaires, c'est que dalle, en gros. Ouais, ouais, hein. Et en fait, le truc, c'est que Microsoft avait tweeté, genre, les ventes de Rise of Tomb Raider sont assez décevantes.

aide-moi. Idiote, il est trop tard, tu appartiens au sinistre sombre seigneur vêtu de noir. Casque sous le roc, sous une armure du soldat le plus dur de l'empire du côté obscur. Obscur, la force est noire, c'est noir comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté. Obscur, la force est noire, c'est noir comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté. Obscur, fais ce dernier pas en direction de la force obscure. Comprends-tu maintenant ce qu'est la force obscure? La force. Oui, la force. Vous écoutez Eau de Radio, sur 91.3. 91.3. Avec Cultura, retrouvez la voix du geek. Cultura, l'esprit gamer. Allez, on est de retour, on est toujours en direct et j'avais envie de tenter un truc là, bouge pas. Oh la tête de Clément, il fait flipper. Bon, ça marche, j'ai bien comme la force. Quoi. Je détiens le pouvoir. On est en direct dans la voix du geek. Ouais, t'as vu, on ouais, t'as vu ma saucisse. Aïe, il pète les plombs. Quoi. Non, mais on faisait un délire parce que je lui dis, mais il se saute pas un peu dans la chanson. Non, mais c'est lui qui faisait grominer dans sa cartoon. Akhenaton. Ouais. Ah, peut-être un peu, ouais. Allez, on va se remettre la bande son de Star Wars, tiens, puis on va... Le côté obscur. Voilà, alors ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un Big Mac de ouf, mesdames, messieurs. Un Big Mac. On va faire un Big Mac, mon copain. Alors, bouge pas. Façon de voir la vie. Alors, vous allez entendre la... Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait, Goustic? C'est fermé, la page, non? Non, c'est pas fermé. J'ai rien fait du tout. Les bricoleurs, ah non, non, j'ai rien fait. Hein. Alors, il y a écrit « se connecter ». Ah, j'ai rien fait. Hein. Ah non, c'est là. Ah voilà. Ça y est. En plus, il va m'engueuler, en plus. Alors, attends, j'appuie sur le petit combiné. Ouais, vas-y, appuie sur le téléphone là. Sur le bitonio là. Alors on appelle nos amis de la Voix du Geek et on va parler un petit peu de Star Wars. La Voix du le Geek. Film. De l'amical du Geek, pardon. La mon caravane Dieu, okay. De la Force. Enfin, si. Ah, ça, ça a raccroché mon copain. Ah bon? Bah, The Croix, oui. Essaye de rappeler. Ah, attends, ils doivent être en train de se connecter. On est en direct, c'est ça qui est c'est bon. C'est pas grave. Sinon... Écoutez cette bande-son magnifique. Envoie-leur un fax. Attention, je retente l'appel. J'ai l'impression, tu sais, qu'on fait la valise RTL. Attention. Allez, on appelle Madame Chombier. Est-ce qu'elle va répondre? Madame Chombier. Allô, allô, Madame Chombier. Il y a 5000 euros à gagner. Maître Nadjar est avec nous. Oui, bonjour. Pas de réponse. Eh ben, au pire, qui nous appelle? Eh bien, qui nous appelle? Si vous nous écoutez, appelez-nous, mesdames, messieurs. Parce que là, on est chafouin. Parce que là, quand même, ça fait des semaines qu'on essaie de vous avoir. Et si vous nous raccrochez au bout des deux secondes, ça va pas le faire. Moi, on dirait, tu sais, la bourge dans les visiteurs là. Oh, ah bah, Valérie Le Mercier, voilà, là. Valérie Le Mercier. Ah, oui. Ah bah dites donc, messieurs. Ah, ça fait deux semaines qu'on essaie de vous avoir. Bah, monsieur, ouh, c'est là, vous raccrochez au bout de deux secondes. Alors, ça nous dit problème avec le périphérique d'enregistrement. Oula. Oula. Oula, ça croble. Ça sent mauvais là. Ah, je sais pourquoi. Ah, bah, c'est mort. Pourquoi? En fait, c'est le câble qui sert de. On est en direct, hein, c'est notre tambouille. C'est pas grave. C'est le câble du stream, du son du stream. Ah, qui sert de retour pour le truc. C'est mort. Alors qu'est-ce qu'on sinon fait faut plus, sinon faut plus que t'aies de casque. Ouais non mais sinon appelez-nous au standard carrément. Allez 05 56 Allez. 74 76 85 les poulets. 05 56 05 56 74 76 85. Appelez-nous en direct au standard et puis c'est cool. J'espère que vous avez un forfait limité. Et que ça capte bien, Montpellier. Ça bug, bah oui, ça bug. Alors attends, on va leur laisser le temps que ça arrive jusqu'à chez eux. Peut-être que tu devrais leur écrire le numéro, s'ils l'ont pas entendu. Et l'Oscar de l'émission radio avec les meilleurs effets spéciaux revient à roulement de tambour, la voix du geek au Doudou. Oui. Merci. Il est où l'Oscar? Bon, on va attendre qu'il nous appelle, et puis bon, on va parler un petit peu de Star Wars 7. Bah ouais. Bon alors, déjà, Dandy. Alors je l'ai vu, franchement il est excellent. Ouais. Alors ouais. Ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'il est dans la voix du geek. Il a vu aucun film Star Wars. Si, j'en ai vu un. Lequel? Mais ça m'a pas plu. C'était lequel? Quand t'as un petit qui fait des courses de potes dans le désert. La menace fantôme. Putain, c'est bizarre que t'aies pas aimé. C'est le meilleur. Voilà. Et voilà, j'ai pas aimé. Donc c'est pour ça que je me suis dit, vaut mieux pas que je regarde les autres si c'est le meilleur. Ok. Non, je sais pas. C'est l'univers. Je suis pas. Mais tiens, t'avais quel âge? Fan. T'avais quel âge quand t'as vu le premier? Oh, j'étais gosse. Honnêtement, j'étais gosse. Voilà. Je devais avoir 7 ou 8 ans, je crois. Ouais. Voilà. Et t'étais au cinéma ou tu l'as vu? Non, je l'avais vu à la télé et j'ai essayé il y a 2 mois de ça. Je me suis dit bon, allez, franchement, il y a le nouveau Star Wars qui arrive. J'ai dit, je vais faire un effort. J'ai essayé de lancer le tout premier Star Wars. Et franchement, ça m'a fait mal. Et j'ai regardé, honnêtement, je me suis forcé pendant une demi-heure. Ouais. Parce que je sentais que c'était mou. Oh là là, je me suis dit, c'est pas possible, je vais m'endormir, quoi. Et j'ai arrêté. Au bout d'une demi-heure, je vous jure, j'ai arrêté. C'est pas parce que j'aimais pas, mais c'est, enfin, je m'emmerdais, quoi. Et je donc, me disais, allez, vas-y, envoie-moi un truc, quoi. Et donc, toi, dans l'idée, donc, est-ce que tu l'attends le prochain, là? Bah, non. Voilà, non, mais c'est ça bah qui est intéressant. Je l'attends pas parce que moi, Star Wars, ça me fait rien. J'ai regardé par contre la bande-annonce, enfin les bandes-annonces. Je suis juste un petit peu déçu pour vous, les fanats de Star Wars, parce que je trouve qu'à force de mettre 10 milliards de bandes-annonces, ils commencent un peu à montrer tout le film. Bah, c'est enfin, ça. Je pense. Mais non, après, voilà. Ouais. Bon, ben, c'est jamais le genre signe de continuer, machine appelle. Tu vois, donc, alors, on a okay, nos amis de l'amicale du geek qui appelle. Ok, pas de souci. Bah écoute, pour revenir à ce 7e épisode de La Guerre des Étoiles, parce que à l'époque en France, on appelait ça La Guerre des Étoiles. C'était pas oui, en Star Wars, c'est ça. C'était jusqu'à fin 90, on l'appelait La ouais, Guerre des Étoiles. Donc si tu cherchais un jouet, oula, oula, j'ai une voix téléphonique là. C'est peut-être un peu fort. Allô, allô. Allô. Allô. Est-ce que hey, vous entendez? Je suis oui, sur haut-parleur du coup. Yes. Est-ce que tu nous entends? Oui, oui. Il y a bon, James à côté. Hein. Ah, est-ce que vous nous entendez? Eh ben, c'est parfait. Oula, ça crache un petit peu. Ouais. Yes. Eh ben, écoute, ça fait plaisir. Bon, désolé, Skype, voilà, le câble est déjà utilisé, en fait. Je suis con, moi. Non, on est l'équipe du dimanche. C'est pas hein, grave. Donc, on va faire les trucs de la MacGyver. Mais oui, mais ce carrément. Un trombone et du scotch, on est bon. Ah, bah, attends, ouais, tu sais qu'une fois, j'ai ramassé un chewing-gum. Ouais. J'ai fait une montgolfière avec. Non! Je te jure, c'était moi. Trop mal. Oh, le truc de fou, mon copain. Moi, je me suis pété le coccyx, mais... Faudrait que tu passes à la maison, que tu me fasses la caravane. C'est quoi ce délire? Ok. Ça part d'un chewing-gum après un coccyx pété. D'accord. Désolé. Désolé. Bon, bref. On reçoit nos amis de l'amicale du geek. Comment ça va, les poulets? Ça va, on est très très contents d'être là avec vous. Bonsoir aux auditeurs. Yes. Ça va. Est-ce que vous voulez vous présenter un petit peu? Ah bah oui. Oui. Alors, moi c'est Faye. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis une droguée de cinéma, d'internet, droguée de séries télé. Les jeux vidéo, j'y joue depuis que je suis toute petite avec la NES. Non, je dis une connerie. J'ai commencé avec une vieille console de mes parents. Il y avait Pong dessus. Classe. Et après, ah les... oui. Tu vois, donc c'est... Voilà, donc je suis un peu fofolle dans mon univers à moi. Au niveau d'internet, j'ai commencé par faire des podcasts sur la série Lost, parce que je suis super fan de Lost. Et puis j'ai rencontré James comme ça, et puis on a fini tous les deux sur l'amicale du geek. Yes. Donc, on a refait du podcast, un podcast ciné qui s'appelle L'œil du geek, et on a enchaîné sur la vidéo, et là on a une chaîne YouTube qui s'appelle l'amicale du geek. Ça fait beaucoup de geek tout ça. Hein. Ah bah. Yes. Et mais du coup, question, vous êtes ensemble dans la vie? Oui, oui. D'accord, ok. Comme Goustique et moi, en fait. C'est ça, exactement. Exactement ça. Bon, là, on essaye de faire ménage à 5, parce qu'il y a Kogu qui nous a rejoint. Bah, Kogu, moi, c'est mon père, en fait. Ah bon, c'est aussi le père de Bibine. Ah merde. Mais il a plein d'enfants cachés, cet homme-là. Il est sur le chat. Yes. Bisous, papa. Grâce à lui. On peut dire merci à Jacob. Voilà. Jacob le chat. De quoi? Jacob le chat. Non, non. Les vrais fans de Us comprendront. Ah oui, parce que c'est. Ah oui, bah en fait, j'étais en train d'halluciner. Il était en train d'halluciner. Et je le voyais avec une tête, on aurait dit une statue, le mec. Et puis, il entend Jacob, mais Jacob, c'est le nom de son chat. Mais oui, et en fait, tout le monde le troll sur les streams parce qu'il est toujours en train de venir montrer sa rondelle. Il veut toujours faire son intéressant. Je me suis dit, on s'est rencontré grâce à Jacob. Je là, attends. La rondelle de Jacob. Yes, bah vous êtes motivé à ce qu'on parle un petit peu de Star Wars? Ah bah bien sûr, attends, moi j'y suis depuis octobre dans Star Wars, là. Je sais pas si vous avez vu, j'ai participé à pas mal de débats sur la Okan Solis, c'était super bien d'ailleurs, on a parlé de Star Wars en large, en travers, yes. On a beaucoup de table, c'était bien. Et toi, ce qu'on est en train de dire là, est-ce que vous trouvez pas qu'on en a peut-être déjà trop vu au niveau des bandes annonces? Mais si tu compares Avengers, on avait déjà vu les trois, on a eu, je crois qu'il y a quelqu'un qui a calculé, on avait 3/4 d'heure du film avant d'avoir vu le film. là, franchement, à côté de Star Wars, c'est un... Non, mais tu rigoles, t'as pas vu, ils ont sorti les spots télé, là, cette semaine. Ah oui. Mais ouais. J'ai regardé que les deux premières bandes annonces. Yes, parce que moi, ce qui me fait halluciner avec Star Wars, c'est qu'il y a déjà les jouets en magasin. Mm-hmm. Et avant même qu'on voit le vaisseau de c'est Kylo Ken, je crois, le méchant, il y a déjà le Lego disponible un peu partout, quoi. Ouais. Ah, c'est la méthode Papa Lucas. Hein. Ouais, Papa Lucas, il est fort pour faire les jouets. Il te prépare tout à l'avance. Tu vois, Star Wars, t'en bouffe partout. Tu vas au supermarché, t'as les céréales qui ont du Star Wars. Oui, c'est vrai. Des boîtes de légumes qui ont du Star Wars. Tu te rappelles des chips Goustique? Oui. Des chips de Star Wars, mon pote. Ah, ça c'était cool. Ouais. Qu'est-ce qu'elles ont ces chips? Bah, c'est des chips. En fait, t'avais deux emballages. Il y avait un, c'était Yoda, et l'autre Dark Vador. Et moi, quand j'ai vu ça, je suis oh génial, c'est des chips designés avec la tête de Vador ou Yoda. Sauf qu'en fait, non, c'est juste le packaging où il y a la tête de Yoda. Et en fait, c'est des simples pommes de terre soufflées salées. Voilà. Je fais je fais une petite parenthèse. Il y a la bite du chinois qui vient nous follow sur Twitch. On l'embrasse. J'aime beaucoup ton pseudo. Merci à toi, petit être. Sayonara, la piste. Yes. Star Wars, c'est sûr qu'on va en bouffer tout le mois. Mais après, c'est les gens qui voient s'ils ont envie de regarder ou pas. Moi, perso, ouais. Je regarde juste les deux bandes annonces sorties et c'est tout. Et ouais. Mais c'est dur de se retenir, quoi. Mais pourquoi? Moi, c'est ça que je comprends pas. C'est pourquoi ils mettent autant de contenu sur le film. Pourquoi ils sont prêts à le segmenter en autant de morceaux et de vous le filer comme ça avant la sortie? Je comprends pas. Mais je pense pas que ça va le spoiler, parce que, enfin, comme avait dit James il y a quelques instants, Avengers, les deux premières bandes annonces, ça spoilait mais toute la moitié du film. Tu connaissais déjà l'intrigue, enfin tu savais plus ou moins ce qui allait se passer un petit peu. Et là, dans Star Wars, moi après c'est mon simple avis, hein, mais je trouve que ils ne spoilent pas trop. On sait pas trop ce qui va se passer. Voilà, après, c'est ça. On sait pas trop ce qui va se passer. Tu prends la prélogie, les bandes annonces, il y avait beaucoup de choses, mais ça spoilait pas. Par exemple, l'épisode 3, tu pouvais pas savoir qu'il était mauvais avec les bandes annonces. Ouais, mais au final, ouais, t'as découvert le méchant, la gueule qu'il avait, tu vois le masque de Vador qui est brûlé. Il y avait un petit côté Titanic aussi, tu savais très bien plus ou moins ce qu'allait se passer, il faisait que retarder l'échéance. Oui. Non, mais on connaît pas l'identité de Kylo Ren, on sait pas qui il est vraiment. Ah oui, et bien en fait, si t'achètes le jouet, tu peux enlever son masque et tu peux voir la gueule qu'il a dessous. Et en fait, c'est Shrek. C'est le patron du parc d'attractions, comme dans Scooby-Doo. Mais justement. Quelques petites questions, mais pas essayer justement d'en voir plus et faire mes petites théories à l'avance. Et bien justement. Allez, vas-y. On va en parler de ça. Parce que du coup, on sait quoi de l'histoire? Il va parler de quoi ce film au final? On sait qu'il y a un nouveau méchant. Sa force qui se réveille. Oui, bah oui. Voilà. Moi, je pense pas que le Kylo Ren, celui qu'on voit là dans les bandes annonces, c'est le vrai méchant. Parce qu'en fait, à chaque fois, il y a un petit côté Dark Maul. Ouais, un petit peu. Mais en fait, si tu, enfin, les Sith, ils se déplacent toujours par deux. Il y a l'apprenti et le maître. Sauf que là, on sait pas. Je pense pas que ça soit je pense pas que ça soit le maître Kylo Ren, parce que déjà, il y a comment il s'appelle celui qui joue Gollum, Andrew Serkis, qui joue dedans. Andy Serkis. J'ai confondu Andrew Garfield avec son cousin, c'est Andrew. Andrew, sorry. Mais en fait, on entend juste la voix off dans la première bande annonce de Andy Serkis, et je pense que c'est le maître de Kylo Ren. Mais je pense que Kylo Ren, c'est juste qu'un fil rouge. Je pense qu'il y a autre chose à côté. Il nous essaie de nous amener vers une direction genre ouais, ça va être le méchant, sans qu'en fait non, c'est juste un simple pion. Et je pense qu'il y a pire. Ouais, tu penses? Ouais. Honnêtement. Est-ce que ça serait pas un Vador en fauteuil roulant? genre Vador, Vador il revient, genre il s'est mis de la biafine et tout. Non mais tout ridé, il avait la vieille beubard. Pourquoi pas, mais, et non, on devait l'avoir Dark Vador ce soir, mais il a une bronchite, il a pas pu venir. D'accord. Ouais, non, je disais, après ce qu'on a au niveau des indices, on sait que le petit Kylo Ren, il est fan de Vador, qui veut continuer son œuvre. On sait également par Abrams que le film est une histoire de famille. Donc, est-ce que c'est lié au Skywalker? Il y a des théories comme quoi Kylo Ren serait peut-être un fils de Luke ou de Leia, on ne sait pas. Donc, il y a plein de choses intéressantes autour. Ah ouais. Ça se trouve, c'est le fils de Vador qui est le frère de Luke. Et qui est la sœur de Chewbacca. Oh. Ah, peut-être un enfant caché encore. Parce qu'en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que ça se trouve dans la... C'est des gros sangliers, en fait. Il y a Goussi qui est déjà mort derrière. Dans la première, l'épisode 4, 5, 6... Pour fêter tout ça, tout, quand ils ont fini, ils ont fait une partout géante. Et en fait, il y a un enfant. Avec les Ewoks. Il y a un enfant qui est né de tout ça. De multiples races. En fait, il a trois parents. C'est pour ça que le sabre a trois branches. Et il est roux. Et il est roux. Donc sans âme. comme les femmes et les chats. Hashtag Christine quoi. Boutin. Bon, donc non, dans c'est intéressant avec Luc aussi autour, on sait pas s'il va être là, s'il sera pas là. Est-ce ouais, ça reste le mystère, ouais. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que Mark Hamill, l'acteur qui incarne Luke Skywalker, il n'arrête pas de mettre les pieds dans le plat. Genre, il a tweeté récemment que il serait dans l'épisode d'après aussi. Et genre, il n'arrête pas de se faire reprendre à l'ordre. Il avait déjà un petit peu vendu la flamme. Il avait vendu la flamme. Il travaillait dans un truc de cheminée avant. Oh là là. Il avait vendu la mèche parce que c'est lui qui fait la voix du Joker. Yagusti qui est mort derrière. Il fait la voix du Joker en VO dans les jeux Batman. Ouais. Et il avait dit sur son Twitter qu'il avait terminé son boulot pour le jeu, quoi. Alors que on n'était pas censé savoir qu'il y avait le Joker dedans. C'est vrai. C'est vrai. Mais après, je sais pas. Je pense qu'on honnêtement, on en sait pas trop. On a que des théories. La fameuse théorie qu'il y a eu sur Jar Jar Binks. Ah oui. honnêtement. Mais ça se trouve, c'est lui qui est Kylo Ren. Là, ça va. T'imagines le truc. Mais non, je suis. Oh putain, t'imagines la. Et là, il enlève le truc. Et... Là, on est dans Scooby-Doo pour le coup. T'imagines la mocap dégueulasse, quoi. Oh là là, putain. Non, mais c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien qu'on ne sait pas encore ce qui va se passer dans ce Star Wars-là. Mais ils savent l'ampleur de cet événement, en plus. Et puis, je les vois mal. Dévoiler un stock d'images et se dire ah tiens on connaît le scénario au final est-ce que j'ai bien fait d'acheter ma prévente pour aller voir Star Wars 7 tu vois. Je pense que si t'es fan de toute façon tu sais comme à l'époque du film Les Ch'tis, il y en a ils sont allés le voir 10 fois oui, même dans la journée les fans iront quand même. Lucas et Danny Boone c'est pas pareil non plus, hein, excuse-moi il y a l'étoile noire et le maroilles quoi j'ai envie de dire hein, donc une étoile noire en maroilles voilà. Ah, ça va schlinguer de la mort, quoi. Ah, c'est le cas, oui, clairement. Ça t'envoie un rayon. Du coup, Goustic, tu nous avais préparé un petit truc, je crois. Ouais. Qu'on n'a pas le temps de dire parce qu'on va passer un scud. Mais non, t'inquiète. Non. En fait, c'est des chiffres, des dates, et puis, essayez de trouver à quoi ça correspond. Si je vous dis, le 30 octobre 2012, ça vous dit quoi? 30 octobre 2012. Le trailer. Non. Non, le début de la production de Star Wars. Est-ce que c'est une annonce de Star Wars 7? Non, c'est le début de la production. La date de Lucasfilm. Bravo Faye, bravo. C'est entre la nuit du 30 et du 31, on a su le rachat de LucasArts par Disney pour la modique somme de 4 milliards de dollars. C'est rien. C'était en 2012? Bah ouais. C'était en 2012. C'est si vieux que ça? Bah ouais. Eh oui. Il me semble que c'était hier moi que ça a été racheté. Non, ils ont fait le film aujourd'hui. Voilà. Mais je crois que je suis encore dessous sur les jouets, par contre, j'en doute. Ben alors, je sais juste qu'au niveau scénario, il a été évincé. J'avais vu une interview il y a pas longtemps en plus, comme quoi il regrettait l'attitude de Disney. Mais bon, en même temps, Georges, j'ai envie de dire, tu vends ton petit bébé à 4 milliards de dollars, c'est comme. Mais on dégage quoi, t'as maintenant, ton pognon, voilà, tu quoi, bouges. Ils ont la thune, ils ont la licence, c'est un peu eux à faire ce qu'ils veulent quoi, j'ai envie de dire quoi. Donc. T'as l'impression que c'est un espèce de divorce quoi, tu vois. Georges Lucas il va venir pour prendre le café ou genre faire la petite roue en bagnole, voir ce qui se passe et tout. Mais non, Georges, je suis désolé, tu l'as vendu 4 milliards, tu la laisses à Mickey et tu laisses faire à Mickey. Je ne sais pas s'il a un droit de regard sur ce qui se fait ou pas, mais ça n'a pas l'air. Je pense pas, et je pense que c'est plus. Mais je pense même pas au niveau des produits dérivés, je pense pas. Hein. Je pense qu'il a. Je vais pas dire qu'il a tout perdu parce que pour 4 milliards. Puis il a une bonne petite retraite, je pense. Voilà, ça va. Donc, voilà, après. Hein, Georges, il nous écoute ce soir. Un tonton, en plus. On t'embrasse, tonton Georges. Mais attends, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Ça va revenir. Ça arrive souvent. Ouais, c'est normal. Ça arrive souvent à ton âge, hein, donc. Bon, vous voulez que je continue? Allez, vas-y, ça va me revenir. Alors, si je vous dis 40 millions. C'est le parachute doré que je vais prendre quand on arrête la voie du geek. Au bout de 35 ans, oui. Ce qui a rapporté la prélogie? Non. C'est par rapport à Star Wars 7. Eh ben, c'est le prix, c'est ce que ça a coûté, la production. J'ai pas dit 40 millions de dollars, j'ai juste dit 40 millions. Ah. Le nombre de personnes qui ont regardé le dernier trailer. Alors t'es pas loin, c'est le nombre de personnes en 24 heures qui ont regardé le premier trailer de Star Wars 7. 40 millions de personnes. Et ensuite, pour le deuxième trailer, qui est arrivé en avril, lors de la Star Wars Célébration, dont on a pu voir la simultanée. Ouais, qu'on a vu en direct, ouais. Et on a pu assister à la seconde bande-annonce. La seconde bande-annonce était à plus de 35 millions de vues en moins de 24 heures. Truc de ouf, quoi. C'est au-delà des Avengers, des Jurassic World, ça dépasse tous les records de nombre de vues. Et en plus, le Star Wars, donc la première bande-annonce, est rentrée dans le Guinness Book pour, ah le bon nombre, ouais, pour le nombre de millions de vues en 24 heures. Donc chapeau J.J. Abrams et Disney. Et puis voilà, non, mais c'est vrai qu'en même temps que déjà, enfin, la première bande-annonce, il y avait très peu de détails. Bon, en même temps, c'est un peu normal, le film allait sortir dans un an, ils n'avaient pas dévoilé 3 minutes. Mais je trouve que la seconde bande-annonce, bon, après il y avait l'atmosphère, quand on est allé voir la Star Wars Célébration, il y avait son petit truc, tu vois, le côté Chewie, on est à la maison. Et oui. Là, je peux te dire que j'étais comme un gosse, je chialais, j'avais la chair de poule, tu vois, tout le monde était en mode rockstar, ouais, Harrison Ford et tout. C'était juste l'euphorie totale. Et c'est vrai que cette dernière bande-annonce, bah, ça a été la cerise sur le gâteau, quoi. Parce que là, c'est la cerise sur le cajou, Jean-Pierre. C'est exactement, Michel. Mais non, franchement, voilà, honnêtement, ils savent très bien gérer au niveau bande-annonce, que ça soit Star Wars comparé au Marvel. Je trouve qu'ils dévoilent un peu trop à l'avance ce qui va se passer. Ouais. Ah, ça y est, je sais ce que je voulais dire tout à l'heure. Vas-y. Parfaitement. On regarde Cloverfield ou même ce qu'il a réussi à faire sur Lost avec Lost Experience. Ouais. Il arrive à gérer son. Mais là, c'est pas vraiment lui qui l'a fait. Lost Experience. Oui, c'est plus Damon Lindelof et Carson Cuse. Lui, c'est plus Cloverfield, il s'est occupé. Super 8, rien que Super 8. Ouais, Super 8, c'est vachement. J'aime beaucoup ce film. J'aime bien. Super 8. Mais ouais, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est même George Lucas, il a déclaré que voilà, quelque part là, il a été évincé du projet, mais quelque part, ça lui fait un peu pas plaisir, mais il en avait marre apparemment, parce que les fans de Star Wars sont, enfin, il en avait vraiment marre des fans, parce qu'ils sont hyper pointilleux. Il a déclaré que même s'il pouvait écrire les films à sa place, quoi, il le ferait, quoi. Et qu'ils sont trop pointilleux et que c'était trop chiant en fait d'avoir ça dans les mains, quoi. L'air, c'est que lui il défend Jar Jar Binks et que tout le monde défend Jar Jar Binks. Et voilà. Bah, Jar Jar Binks qui devait être joué par Michael Jackson. Non, c'est pas une vanne. Ah, oui, c'est vrai. Pardon. Non, c'est pas une vanne en plus. Ok. Ouais, ils ont préféré foutre un personnage où on voyait pas sa gueule. Super. Bah, ça a pas empêché Michael Jackson de jouer à Minimum. Non, mais pour faire la mocap. Mais... Ah oui. Parce que. Bah non, Michael Jackson allait pas jouer dans Star Wars, quoi. Ça serait trop turbulent. Mais justement, il y avait une histoire là, comme le disait Face. Lucas. Voilà, Abraham Lincoln. George Lucas disait que parce que les gens détestaient Jar Jar Binks, justement, lui, il disait, je l'ai fait encore plus chier. Je dis que je l'aime, mais c'est mon copain, tu vois. Et il le défend encore plus. Alors, je sais pas dans quel sens il faut le prendre, mais apparemment, il le disait que c'était dans ce sens-là plutôt, que c'est parce que les gens détestaient que lui, parce il en a plein le cul de tous ses fans qui sont hargneux contre lui, que il est fait chier un peu en retour, tu vois. Après, Jar Jar Binks, c'est un personnage secondaire, de là à le détester, faut quand même pas pousser, il est un peu relou, il parle en verlan, tous des gueudins, enfin ça va quoi, c'est pas. C'est vrai que Jar Jar Binks, c'est à cause de lui, c'est à cause de lui si Palpatine prend le pouvoir. Ouais, c'est vrai. Mais après, enfin, moi, j'ai j'avais vu La Menace Fantôme, j'avais 8 ans au cinéma, donc moi, j'aimais bien ce petit personnage, et même je l'ai revu récemment. Bah, ouais, il est agaçant, mais il est attachant quand même, tu vois. Enfin, bon, c'est un petit abruti, mais t'as pas envie qu'il lui arrive des choses, quoi, tu vois. Donc, moi, je l'ai pris. Enfin, c'est pas un comic relief, c'est un petit peu l'idiot du village, quoi, tu vois. Ouais, donc, c'est plus ça, ouais. C'est un peu. Je trouve qu'il est too much. Après, moi, je l'ai vu, j'étais ado, et voilà, il est too much. Il faut qu'il se taise, il est lourd. Déjà qu'il y a un problème de rythme sur l'épisode 1. Les gags Jar Jar Binks, franchement, tu peux t'en passer. Après, bon, je vais pas dire que si Star Wars 1 a des problèmes, c'est que à cause de Jar Jar Binks. Faut pas non plus exagérer. Après, Lucas, c'est quelqu'un quand même qui a créé un univers qui est hyper intéressant. Ouais. Mais le problème de Lucas, c'est que c'est pas un super réalisateur et que surtout, il est très très mauvais en direction d'acteur. Bah, pour résumer le problème de Star Wars. Bah, c'est vrai parce que les films des années 70. Le seul film qu'a réalisé George Lucas, c'est Le Nouvel Espoir. Parce qu'après, L'Empire contre-attaque, si je dis pas de bêtises, Face, c'est Irving Kershner, je crois. Tout à fait. D'accord. Et le troisième, je me souviens plus, du Retour du Jedi. Le troisième, attends, j'ai un trou de mémoire. Mais c'est pas Lucas, ça c'est sûr. Donc voilà. Et puis après, quand Lucas a annoncé en 98-97, il avait fait la première Star Wars Célébration. Il faut savoir que c'est la Star Wars Célébration, la première date de 97-98, au moment où il a annoncé qu'il allait avoir une prélogie de Star Wars, où il a annoncé La Menace Fantôme, L'Attaque des Clones et La Revanche des Sith. Et c'est vrai que on se rend vite compte que quand il réalise George Lucas, bon, vous pouvez le voir quand vous regardez Howard le canard. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a. Non, il l'a produit. Enfin, il l'a produit, pardon, il l'a produit, il l'a produit. Et ouais. Bon, bah, oui, bon, quand il a la production, t'as un certain regard quand même sur le film, quoi. Donc. Mais le sachez voilà. Qu'il n'a pas honte de Howard le canard, mais il a honte de Star Wars aux idées spéciales. Et Howard le canard, ça lui a fait perdre Pixar parce qu'il était propriétaire de Pixar à l'époque. Ah oui, c'est vrai, oui. Et Apple, je crois, qui avait racheté Pixar. Avant que ce soit après Disney qui le récupère. Bon, on va continuer au niveau des chiffres. On va surtout s'écouter le scud parce qu'il est 20h. Juste après 20h. Carrément. Vous restez en ligne avec nous. Du coup, il y a Eiki qui va appeler aussi pour Battlefront. C'est bon pour vous si on déborde un petit peu de 10 minutes, un quart d'heure? Oui, oh, il n'y a pas de problème. Oui, yes, ok. Si tout le monde est ok. Moi, je peux pas. Moi, j'ai piscine. Ah, là, tu fais de la pétanque aquatique? Exactement, ouais. C'est pas, tu joues aux boules, mais sous l'eau. C'est vachement bien, j'aime bien, moi. La pétanque aquatique, quoi. Oh, le saoul. Eh, hey, ça peut être une bonne vanne, en vrai. 20 000 boules sous les merdes. C'est obligé. Aïe, aïe, aïe. Allons, on s'écoute All Nation 1. Et on revient juste après le Scud pour faire le test de Battlefront. Et puis on va parler un petit peu plus en détail de l'amicale du geek. Qu'est-ce que c'est, pourquoi ça sert et tout ça. Tu vois, des trucs qui vont bien. Pourquoi quoi. Ça c'est... Oh putain. Comment il te vend le truc. Comment on parle de la vie France, quoi. C'est ça. Allez les 20h, vous écoutez toujours La Voix du Geek et nous on revient juste après ça. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Sur 91.3. 91.3. écoutez Eau de Radio, vous écoutez Eau de Radio, vous écoutez sur 91.3. 91.3. Avec Cultura, retrouvez la voix du geek. Cultura, l'esprit gamer. Allez, on est de retour, il est 20h passé de quelques minutes. On est toujours dans la voix du geek, toujours en direct. Ils sont debout, que se passe-t-il? Oh non. C'est la grève, on veut du rap de frites à la cantine d'Eau de Radio. Du chocolat sur les moules. Ah putain, voilà. Mais il part complètement en live. Tiens, pour ceux qui se poseraient la question, on vient de s'écouter All Nation avec Sail, parce qu'on me l'a demandé sur le chat. On est toujours en live hein, sur Twitch, twitch.tv/lavoixdugeek, la voix avec un E, Facebook, Twitter, on a tout. N'hésitez pas à nous laisser des messages, on lira tout en direct. On a toujours... Alors attendez, il faut que je fasse ça, tac, tac, tac. Hop, squat. Est-ce qu'on a l'amicale du... Geek. Oui, on a toujours l'amical du geek en ligne, Faye et James. C'est ça. Allô? Allô? Oui, oui. Est-ce que vous avez le montant de la valise? Alors, je crois qu'il y a 1200 euros, le livre des grosses têtes et du vin. C'est, ah, c'est la paye de Goustic en gros. Quoi. Que la bouteille. 1200. Que la bouteille. Allez, on était en train de parler un petit peu de Star Wars 7. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va y avoir un embouteillage dans le standard. Donc genre, on va rester avec l'amical du geek jusqu'à Ekar. Et puis ouais, ensuite, on va récupérer Aiki, qui est en duplex de chez lui, pour parler de Battlefront. D'accord. Si vous n'y voyez pas un peu d'inconvénient. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucun souci. Yes. Goustic, tu veux qu'on continue un peu de parler de Star Wars ou on parle un petit peu de l'amical du geek? Moi, je pense qu'on peut continuer sur l'amical du geek. Ils vont se présenter... qui ils sont, pourquoi ils font ça, à quoi ça sert, pourquoi ça sert. Et yes. Donc ouais, Faye et James, donc vous avez donc c'est une émission. C'est plus que ça, c'est une chaîne. Enfin, tu veux commencer par l'historique, James? Bah là, bah, comme je disais tout à l'heure, c'était un podcast et maintenant c'est une chaîne YouTube, donc on a plusieurs émissions. On a Comics Discovery où moi je vais parler de comics. On a les coups d'œil où en fait je parle des films qui m'ont marqué et j'essaie de donner envie aux gens de les découvrir, de les redécouvrir. En ce moment on a un truc qu'on vient de lancer aujourd'hui, donc c'est le tout début, on fait un calendrier de l'avant en fait. Donc vous, tout le long du mois de décembre vous aurez 25 vidéos avec 25 vidéastes différents qui vont présenter un cadeau spécial à offrir à Noël. Et en plus et en même temps ça fait découvrir d'autres chaînes. Oui, en plus on découvrira plein d'autres chaînes YouTube qui sont vraiment cool. Et en plus, en fin décembre, on va lancer une émission sur les séries télé. Voilà. Parce qu'en fait, au départ, notre but, c'est que, comme vous voyez, on aime beaucoup de choses. On avait envie de trouver d'autres gens avec qui en discuter et avec qui partager ce qu'on aimait. Et donc, au départ, l'Amical du Geek, on a essayé de monter une association pour rencontrer d'autres gens. Et ça n'a pas marché. Et puis, on est parti un peu sur essayer de créer des événements, des rencontres. Et de fil en aiguille, on a fini par faire... Ouais, on a commencé à faire du contenu pour le site, histoire de le remplir un peu. Mmh. Et on s'est pris au jeu de faire du contenu. Donc, voilà. Et du coup, maintenant, c'est parti plus sur ça. Quoi. Et du coup, la chaîne YouTube, elle a quel âge maintenant? Elle a... Un an et demi, 2 ans. Ouais, comme ça. D'accord. D'accord. On a eu du temps, ouais. On a eu du mal à trouver des concepts au début, et... Là, on a commencé à bien se poser et à faire ce... Puis on apprend au fur et à mesure à utiliser le matériel. Ouais. Et ces gens-là, là, que vous faites venir dans votre vidéo pour les calendriers de l'Avent, vous les avez connus comment? Ben, en parlant, sur des forums. Ouais, il y en a beaucoup, quoi. Les trois quarts, on les connaissait parce qu'on parlait avec eux sur Facebook. Parce qu'entre vidéastes, on parle pas mal quand même. Donc c'est beaucoup des gens que je connaissais sur Facebook, et puis il y en a 2-3 qu'on a, parce que 25 personnes ça fait quand même, ouais, ça fait pas mal de gens. Il y a des gens après qu'on aimait bien et qu'on a contacté voir s'ils avaient envie de participer, et puis des personnes moi que j'ai rencontrées en parlant, ouais, en participant à des émissions, en écoutant, ouais, c'est vraiment les rencontres en fait. Ouais. Ça, c'est beau ce que tu dis. Je pense que la vie est une histoire de rencontres. Non, c'était comment dans Astérix et Lequel? Tu sais, avec Cléopâtre. Je pense que c'est avant tout des rencontres. Tu sais, il part dans un monologue, Edouard Baird. Oui. Bref. Oui, c'était sur le voyage, je crois, il me semble, un truc. Ouais. Donc, oui, je me rappelle, oui. C'était Mission Cléopâtre, c'était chouette, quoi. Et, du coup, je voulais savoir, Justement, est-ce qu'au niveau des invités, parce que vous avez eu une pléiade d'invités depuis un an et demi, deux ans, est-ce que ça a été, est-ce qu'ils ont été accessibles ou est-ce qu'ils ont été, enfin, je vais pas dire, enfin. Je vais pas dire, enfin, quand on est sur est-ce YouTube. Est-ce qu'ils étaient cons ou est-ce qu'ils étaient gentils? Non, mais est-ce qu'au niveau de l'approche, ça a été accessible ou genre ils étaient, enfin, ils ont refusé ou sinon ça a été la bonne entente l'immédiate en fait. Non, bah, on a eu de la chance que voilà, on a. Mais la plupart du temps, les gens à qui on propose de faire des collaborations, les trois quarts du temps, c'est des gens à qui on parle déjà, donc. Voilà. Parce qu'il y en a qui sont vraiment cons. Je pense à un, Mister Yanda, là. Lui, c'est un sacré connard. Ah ouais, alors lui, il est sur le chat, il fait au top, l'amical du geek. C'est vraiment un connard, celui-là. Ah, il est inaccessible. Il est venu deux fois à la radio. Il passe pas les portes, le gars, déjà. Ouais, il est noté stas comme ça. On lui a dit, salut, Mister Yanda. Il s'est barré. Il a pris la porte. Ouais. Il serait gentil de la ramener. On t'embrasse, Félix. On a eu de la chance pour les vapeurs des gens qu'on a discuté. Ceux qu'on connaissait pas, on a eu de la chance qu'ils acceptent. Ouais. Puis après, ben soit ça s'est concrétisé par plus de discussions, soit voilà, c'est resté professionnel. Mais on n'a pas eu vraiment de soucis. Même, on a eu la chance de collaborer avec le Fossoyeur de Films sur une. C'était quoi? C'est la Japan Sun. Je devais en fait présenter et organiser une conférence sur le cinéma et le comics. Mm-hmm. Et en fait, on a eu de la chance qu'ils acceptent d'y participer. Donc c'était cool. Franchement, on a fait plein de super. On a fait des. On a eu la chance d'être invité à une autre convention que ça fait Opticien Tech. Et du coup, on s'ennuyait un peu, il n'y avait pas grand monde. On a eu de la chance de faire des interviews. Des interviews tous les autres invités qui ont accepté. Il faut y aller au culot aussi. Ouais, voilà. Ah, carrément. Ouais. C'est ce que j'allais vous demander. Vous êtes présent sur plusieurs types d'événements, style Japan Expo, machin, ou vous en faites pas trop, justement? En fait, si on nous invite, on y va. Sinon, voilà, on n'est pas trop ça. Après, ce qu'on a, c'est qu'on travaille pas mal avec le Gaumont Multiplex sur Montpellier, qui organise souvent des avant-premières quand il y a des grands films et tout. Et on a eu la chance que souvent, ils nous proposent, ils nous proposent de passer du contenu vidéo. Donc, ça fait qu'on a eu pas mal de vidéos qui sont passées sur grand écran. Ouais, donc sur Montpellier. Oh, pas mal. Ah ouais, c'était mon rêve de petite fille. Alors, je ne sais pas comment j'ai été la première fois. Tu m'étonnes. Et du coup, pour Star Wars, est-ce que à ce cinéma de Montpellier, est-ce qu'on va vous y retrouver pour une petite vidéo, une présentation? Le problème, c'est que Disney, c'est un peu des connards. Franchement, honnêtement, je suis d'accord avec James. Au niveau des droits d'auteur, c'est vraiment des requins, quoi. Non, vraiment. Non, mais disons qu'il n'y a aucune avant-première, il n'y a rien du tout. En fait, ils font une soirée à Disney Village et tous les autres cinémas peuvent aller se faire foutre, en fait. D'accord. Okay. Ouais, ça m'étonne pas. Donc, je suis sorti deux ans avec la petite sirène, elle était comme ça, de toute façon. Ouais. On reste dans une place, première séance de 10h. Ouais, non, la toute première séance, on a déjà acheté les places et tout, on est prêt. Ouais. Ah, tu m'étonnes. Et du coup, c'est vrai que souvent vous faites des lives avec plusieurs youtubeurs pour des débats, donc surtout sur le milieu cinématographique. Il y en avait un dernièrement, c'était l'été dernier, un bilan sur les blockbusters qui sont sortis pendant tout l'été, donc c'est-à-dire Terminator, Jurassic World, on peut aller aussi sur du Mad Max et vice versa. Je voulais savoir, est-ce que vu que ça marchait un petit peu bien, est-ce que vous allez faire justement ce genre de live pour Star Wars ou vous avez d'autres thèmes en tête? Ben, pour... On y pensait pour Star Wars de faire un petit débat justement bilan pour voir avoir un peu un panel de réactions. Mm-hmm. Mais on avait bien envie d'en refaire sur d'autres genres, sur les séries ou autres. Le problème, c'est qu'on n'a pas pu en faire avant parce qu'on a eu des petits soucis techniques. Oui. Et puis donc voilà, maintenant il faut qu'on arrive à s'organiser, mais je pense que l'année prochaine on va en refaire. Ouais, puis même peut-être en fin décembre on verra. Quand tout le monde aura vu le film, on fera peut-être un live dessus. Ouais, oui, pour Star Wars, ça sera forcément en décembre. D'ailleurs, vous êtes invité aussi. Oui, ah, avec plaisir. Mais, ça sera avec grand plaisir en tout cas. Et désolé, on va être obligé de se quitter dans pas trop longtemps, mais il faut qu'on refasse un stream tous ensemble sur Rocket League dans pas longtemps. Ah oui. Avec plaisir. On avait bien ri. Carrément. Bon, bah, en tout cas, merci à vous, hein. Je suis désolé, hein, je fais un peu le gars qui arrive et qui le rabat-joie, quoi. Mais l'heure tourne, on a la radio, il y a plein d'émissions à la suite, donc voilà, c'est au niveau du freestyle, faire attention un peu. Mais en tout cas, merci à vous. Franchement, première interview, hein. Ouais. La classe. Tu allais voir demain marcher dans Montpellier, comme ça, avec le cigare et tout. Ouais, écoute, on est passé à la voix du geek, tu comprends. Le direct du début de La Fièvre du Samedi Soir, tu sais, je vais marcher cool dans la rue avec la musique des Bee Gees. Ah ouais, ça le ferait, ouais. Pantalon de la Def. Pardon, excusez-moi. Ah, tu le fais trop bien, tu m'as vendu du rêve. Je suis un peu, c'est mon côté castrat, donc. Ouais, qu'il a fait lui-même, hein, parce qu'il a le sexe assez élastique. Enfin, il avait le sexe. C'est pour tout mon nom, Goustique. Goustique et l'élastique. Yes. Bon, en tout cas, merci à vous. Et puis, tiens, redonnez vos chaînes YouTube, tout ça. Alors, bah, la chaîne YouTube, bah, vous tapez Amical du Geek, vous nous trouvez facilement. C'est pareil pour Twitter, @AmicalDuGeek. On est aussi sur Facebook, bah, vous tapez Amical du Geek aussi, les amis. On est sur Twitch aussi. Ouais, on est à Twitch, notre chaîne Twitch, Amical du Geek tout attaché, et puis Pinterest aussi, tiens, on est partout. Oh. Voilà, pareil, Amical du Geek. Et en plus, c'est bien parce que c'est le nom pour les, tout, c'est toujours le même nom pour chaque truc. On a décidé de rester constant. Ouais, voilà. C'est bien, c'est original, c'est bien. Ouais. Et yes. Bon, oh là là, j'ai mon téléphone qui s'emballe. Bon, en tout cas, merci à vous. Merci à vous aussi. Et puis j'ai votre numéro, alors je reviendrai vous hanter maintenant. Ah, mais carrément. Y a pas de soucis. Ça marche. Gros bisous. Allez, bisous. Bye bye. Ciao, merci. Bye. Yes. Bon, bah c'est cool. Bien sympathique. Bah oui. Carrément. C'était une bonne surprise quand je les ai rencontrés. Donc, Bah ouais, écoute. Merci Goustique de nous avoir fait découvrir l'amical du geek. N'hésitez pas à aller sur leur chaîne YouTube, Twitter, Twitch, enfin ce qu'il vient de dire. Alors c'est vraiment intéressant. La première fois, j'avais pas compris et j'avais tapé l'amicaline du geek. Tu vois. En fait, c'est que des pâtisseries voilà, de trucs qui. Je m'attendais en fait à avoir des cookies en forme de Vador, des trucs comme ça, tu vois. Je pensais aux cookies Vador en plus. Bah oui, bah forcément. Oui, non, mais oui, d'accord. Bah mais oui, ça va, ouais. M'engueule pas là non plus là. Tiens, je fais il y a un coucou à GG Land, à Wizdonger, je vois de loin, Wizbot, désolé. Hein. À Wizbot, je sais pas qui c'est, il parle beaucoup. Il est sympa. Hein. Ah, merci à tous sympa. Ceux qui nous suivent en direct hein, ouais. sur Twitch. Tiens, et puis il y a mon poteau Damien, tiens que j'embrasse. Gros bisous mon poulet qui nous écoute depuis Paris. On va s'envoyer la bande son de Star Wars et puis on va faire un petit peu le tour du propriétaire que j'ai oublié de faire de Star Wars Battlefront. Hop. Ah bah en plus il nous écoute depuis le trône, voilà. Super. Comme quoi la voix du geek ça s'écoute partout. J'ai oublié de faire le tour du propriétaire. Alors attends, c'est édité, développé par qui déjà? Ye Games. Je sais pas. Enfin il y a Ye et c'est développé par DICE il me semble. Ah oui non. Voilà exactement. Édité par Ye et développé par DICE. Si. Non. Non. C'est le contraire. C'est le développé contraire. Par DICE. Alors dis-nous. Vas-y. Bah je sais pas. Oh le chieur quoi. Le gros casse-couille nous fait perdre. Bon bref, c'est déconseillé au moins de 16 ans. C'est un jeu uniquement multijoueur. Eh bien non, mesdames, messieurs. Et donc on va décrypter tout ça ensemble. Oui. Eiki, laisse-nous 5 minutes et appelle vers la demi au pire. Et puis voilà. Donc dans l'idée, quand on lance le jeu, évidemment, on s'attend tous à un jeu uniquement multijoueur, ce qui n'est pas le cas. Il y a une petite partie solo. Ouais. Donc qui comprend 3 choses, qui comprend des formations. Donc qui sert un petit peu de tutoriel pour apprendre à piloter les avions, à conduire les motos qui volent là. Les motos jets. Les pods. Les airspeeders, je crois. Les mobilettes chères à Goustique. Elle nous a fait une belle casserole avec. Il est rentré dans un tunnel et il s'est coincé dans le décor quoi. Bah, c'est qu'en fait il y avait un autre mec qui a voulu rentrer avec cette moto. Et du coup, le mec il s'est crashé, sauf que elle s'est respawn la moto. Moi je fais ah chouette, donc du coup je vais prendre la moto. Sauf que comme un con, j'étais coincé en fait. Et du coup, je fais ah tiens, si j'appuie sur le turbo, qu'est-ce que ça fait? Ça m'a explosé. Donc voilà. Oh, merde. Mais c'était genre histoire juste de troller dans cette partie de Battlefront qui était sur Endor, il me semble. Carrément. Donc voilà, il y a des formations, on apprend un peu à se servir des héros, de tout ça, on va rentrer dans les détails. Ensuite, toujours en mode solo, il y a des batailles. Oui. Donc là, dans l'idée, on incarne un héros, donc que ça soit, comment il s'appelle, Han Solo, Leia, Dark Vador, Luke Skywalker, voilà. Et puis il y a des vagues d'ennemis qui arrivent, et donc c'est à nous de survivre. Et ensuite, il y a un autre mode qui s'appelle Survie. Et donc là, bah pareil, truc de ouf. Il y a 15 vagues d'ennemis qui arrivent, comme à Arcachon. Il y a des vagues. Et hop, il faut survivre le plus longtemps possible, tu vois. Et ça, on peut le faire en coop, à deux, sur le même écran. Ouais, mais c'est dommage. C'est dommage qu'on peut pas le faire un peu plus, tu vois, parce que par exemple, nous. Et à deux en ligne aussi. Voilà, nous, on joue à. Enfin, quand on joue à Battlefront, on est une tripotée de 4 ou 5. Oui, quoi, c'est vrai. Et ce qui aurait été pas mal, tu vois, c'est de, bah, de le, d'avoir un multi, mais assez prolongé, quoi, tu vois, 4 ou 5. Ça aurait pu permettre, bah, de prolonger un petit peu l'expérience de ce niveau-là, qui est assez intéressant. Ah, la Borderlands. Pourquoi le cantiné qu'à 2 joueurs? Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Peut-être que, ouais, non, même pas dans le season pass. Mais c'est sur un écran splitté, c'est ça, hein? Oui, ou ouais, écran splitté, parce que ou justement, en ligne. Peut-être que l'écran splitté, tu sais, il y avait une histoire comme ça sur je sais plus quel jeu où il disait que il voulait pas faire d'écran splitté parce que ça déglingue un peu le visuel du jeu. Ah oui, bon là, donc, ça tient. Là, oui, mais à deux, voilà, c'est peut-être pour ça que si tu le fais à quatre, Ouais, non, mais au moins, bon. Parce que les survies sont chaudes, hein. C'est super tendu. Si tu veux le platine, franchement, c'est hardcore. On peut les faire qu'à deux. À trois, ça aurait été sympa, avoir quatre. Alors, justement, juste avant que tu continues. Vas-y, je t'en prie. Moi, voilà, je vais juste parler d'un tout petit truc de Star Wars, vu que c'est le seul truc où j'ai halluciné. Je vous avais envoyé le lien. Est-ce que vous avez vu le mode qui est sorti sur PC pour les graphiques? Pour les graphismes, pardon, de Battlefront. Oui, le mode ultra réaliste. Ouais, ouais, ouais, ouais. On dirait un putain de film. Ouais, quoi. Ouais, c'est hyper hallucinant. Beau. Ouais. Honnêtement, je me suis dit, c'est pas possible, tu vois, c'est du montage et tout. Et non, c'est vraiment un mode graphique pour le jeu sur PC où la Terre, t'as l'impression que c'est de la Terre. Le mec, même le Stormtrooper, c'est assez troublant, ouais, le celui Stormtrooper qui est allongé, tu vois la Terre sous la godasse, tu vois les rayures sur l'armure. Je me suis dit, mais c'est une blague, c'est un film, c'est ouf, pas possible, c'est pas le jeu. Et ben non, c'est vraiment ça, quoi. Et c'est, ouais. Chapeau à l'artiste. Et puis ensuite, on a le mode multi, donc le nerf de la guerre un peu de ce Battlefront. Ouais. Alors beaucoup de gens râlaient pour le manque de mode de jeu. Il y en a quand même 9. On va vous les décrire. Donc il y a un mode suprématie. Oui. Tu veux nous en parler, Goustique? Ben alors, je t'avoue que j'en ai très peu y joué, la suprématie. Moi, c'est plutôt le reste des modes de jeu. Donc moi, je t'en prie de parler. Allez, de vas-y. Suprématie. Bah du coup, le mode suprématie. Donc il y a des points, il faut aller dessus, il faut les protéger. Nani nani. Voilà, celui qui a protégé le plus de points gagne. On a le mode attaque des marcheurs, qui est un beau foutoir. Et là, on est 40. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a des AT-AT, donc les espèces de chiens mécaniques de Star Wars, ouais. Qui se déplacent sur la map. Il faut les protéger. Alors suivant l'équipe, il faut activer des boutons si t'es de l'autre côté pour qu'il n'ait plus de, comment on appelle ça, de bouclier. Et donc c'est à ce moment-là où tu peux les charger. C'était le mode de jeu qu'il y avait dans la bêta sur Hot, dans la glace. Il y a celui-là, c'est un beau foutoir. On peut prendre des avions, des véhicules, des AT-AT, des AT-ST. C'est un truc de fou. Hein. On peut être. Et AT-ST, c'est quoi? C'est le bipède, le petit poulet mécanique. D'accord. Et il me semble qu'on peut être des héros dans cette map. Et on peut aussi être des héros. Il y a des petites pièces qui traînent. Bah elles sont vachement cachées sur cette map. Elles sont assez tendues, ouais. Comparé à d'autres, elles sont très cachées. Ouais. Ensuite, on a le mode escarmouche, donc c'est 10 contre 10, il me semble. Ouais. Qui est assez sympathique. On a un mode cargaison qui est hyper classique, genre il y a un pod qui tombe. Non, le mode cargaison. Non, le mode cargaison, c'est vous avez des je crois que c'est l'espèce de sonar, enfin l'espèce de talkie-walkie en fait. Ouais, voilà. Se poser sur une palette. Je crois qu'on en a cinq chacun. Donc celui qui en ramène le plus dans son camp a gagné la partie. Et c'est vrai qu'au début, bah nous on l'a testé et c'est un de nos modes préférés avec l'escadron de chasseurs dans l'équipe. C'est parce qu'en fait quand t'as une bande de potes avec qui tu joues sur Battlefront, surtout ce mode-là, si t'es bien coordonné, si t'arrives bien à choper le truc du jeu, tu t'éclates vraiment. Parce que voilà, dès que tu sens les tu te dis bon ok, il y en a un qui va en défense, il y en a deux qui vont en attaque, machin et tout. Si t'arrives à jouer avec tes potes et que t'es bien coordonné, ça peut donner de bonnes parties. Moi, ouais, carrément, on a bien rigolé avec Tagazu qu'on embrasse. Oui, qu'on embrasse. Formidable, magnifique. Oui. Mais voilà, honnêtement, le mode cargaison, ouais, c'était une petite bonne surprise. Ouais, en plus, les maps sont bien adaptées. Ensuite, on a zone de largage où il y a un pod qui tombe, il faut le protéger. Donc, il en apparaît un petit peu partout, donc il faut se déplacer pour vite aller le protéger. Il y a course de droïde qui lui ressemble beaucoup, sauf que là, c'est un petit droïde qui fait un cercle. Course de droïde, ouais, c'est Panoramix qui court avec. Et genre, il marche sur sa beubare, il tombe en avant comme as, clac, et après, il faut le protéger, tu vois, le temps qu'il se relève, pépé, parce qu'il a le dos qui grince. Mais non, mais ouais, il y a des droïdes qui tournent, il y en a 3, il faut essayer d'appuyer sur les boutons en même temps. Ouais. Dès que les 3 sont connectés en même temps, faut tenir 1 minute, et si tu réussis, t'as gagné la manche. Ensuite, il y a track de héros. Là, on a bien rigolé aussi. Oh là, oui. C'est un mode où aléatoirement. Ouais. On est combien? On est 6, je crois. On est 6. Ouais. Non, 6 ou 8. On est 8, je crois. Il y en a un au pif qui incarne un héros. Et le but du jeu, c'est qu'il survive le plus longtemps possible. Et donc, les autres sont des joueurs lambda et doivent le récupérer. Celui qui arrive à le tuer devient lui-même un héros. Donc ça, c'est pas mal du tout. En plus, on était assez nombreux. On a réussi à faire une partie où on était que nous. Parce qu'il n'y a pas de serveur privé. Ça, c'est peut-être un petit reproche qu'on lui fera plus tard. Mais ça, c'est pas mal. Et ensuite, il y a l'affrontement héroïque où on est 6 contre 6. Il y a 3 héros dans chaque équipe et 3 autres personnes qui doivent les protéger. Et le premier de l'équipe qui est tout le monde est mort, et bah c'est fini. Ouais, c'est vrai, c'est vrai que ça va très rapidement dans ce mode-là. Mais Ouais, ouais, c'est assez tendu ça. Et puis il y a évidemment le mode, moi qui me retourne la tête, le mode escadron de chasseurs qu'ils ont été nous traduire. Ouh là là, juste. Donc c'est le mode avec les avions. Est-ce que tu veux nous en parler, Ghostik? Ah bah oui. Allez, vas-y. Déjà, le mode escadron chasseurs, je pense que c'est l'un des modes les plus attendus de Battlefront parce que là, c'est on sent vraiment qu'on est dans du Star Wars, quoi. Les batailles avec les voilà, qui représentent tous les vaisseaux de la saga. Bon là, cette fois-ci, c'est vraiment la première trilogie des années 70. Donc si vous êtes les rebelles, vous avez au choix le X-Wing, donc le vaisseau de Luke Skywalker qu'on peut voir dans Le Nouvel Espoir et les autres épisodes, et le A-Wing, donc ce petit vaisseau plus léger que le X-Wing et qui est honnêtement le plus maniable. Ah ouais. De comparer au X-Wing. Tout le monde le prend celui-là, j'ai l'impression. Je trouve enfin au niveau de la maniabilité, bon après je me suis un petit peu fait, tu vois, au X-Wing et compagnie, je me suis dit, bon, je vais pas arrêter de jouer avec le A-Wing parce que sinon c'est du cheatage complet. Le A-Wing qu'on voit dans l'Empire contre-attaque par contre, sa première apparition c'était dans l'Empire contre-attaque. Ah yeah, je me posais la question. C'était dans l'Empire contre-attaque et c'était dans les premières minutes, la bataille de Hoth en fait. Donc d'accord. Donc voilà, et du coup voilà, si vous êtes l'Empire et là vous êtes les chasseurs taille, donc les vaisseaux les plus connus de Star Wars, quand vous dites Star Wars, vous pensez au chasseur taille et Dark Vador, et vous avez l'intercepteur taille qui est son modèle réduit et qui, je trouve, qui est un peu plus rapide comparé au chasseur taille. C'est le vaisseau de Dark Vador dans l'épisode où il s'attaque à l'étoile noire. Il est poursuivi, il est un peu pointu, il a 4 ailes pointues. Ouais. Il est assez ouf. Donc voilà, et ce mode-là, donc sur la map, il y a des petites pièces qui sont cachées. Oui. Le problème, c'est que maintenant, moi, je sais où elles sont et d'autres. Sa voisson aussi, et de suite t'arrives, tu te rues dessus, et ensuite dès qu'on trouve cette pièce, on incarne ou le Faucon Millenium si on est chez les gentils, chez les rebelles, ou l'esclave, donc le vaisseau de Boba Fett qui ressemble à un fer à repasser un peu. Oui, qui est assez chelou. Ouais, qui est assez chelou à manier, mais du coup, une fois que tu les as, tu fais du kill, c'est un truc de fou, quoi. Donc au final. Et tu penses pas que bientôt, peut-être au vu du déséquilibre par rapport à ça, ça spawn aléatoirement des endroits un peu, tu sais pas où. C'est possible. Après, les pièces sont un petit peu différentes. C'est un rond avec un trait dedans. Ouais. Mais ça se repère hyper loin, quoi. On les voit de moins loin que les autres. C'est fait exprès. Mais on les voit quand même, quoi. C'est vrai qu'au début, moi, j'avais un peu de mal parce que j'avais un petit peu les boules parce que chaque fois, c'était l'infernal qui prenait les petites pièces. Genre, c'était genre, bon, arrête de couper le micro. Mais du coup, il fait, oh, ça y est. Ya! Ah oui, le ya, en partie, combien de fois je l'ai entendu? Ya! Alors quand comme c'est ça, tout le temps. Alors quand ça, c'est je kiffe. Alors quand c'est un ya prolongé, c'est le Faucon Millenium. Quand c'est un ya semi-prolongé, c'est qu'il incarne l'esclave. J'ai remarqué ça. J'ai fait une petite étude là, dans la semaine. Mais, après, voilà, c'est hyper jouissif. Surtout quand tu incarnes un vaisseau héroïque comme le Faucon Millenium, tu as la vue cockpit. Et en fait, tu vois, elles sont dures les vues cockpit. Hein. Ouais, alors honnêtement, on vous déconseille de piloter en vue cockpit parce que c'est injouable. C'est vraiment injouable. Et sinon, allez vous entraîner sur Star Fox. Non, je rigole. C'est que c'est super chaud, quoi. Tu sais, ça tourne, les vaisseaux mine de rien tournent vite et faut s'accrocher, quoi. Ouais, mais tu vois, la vue cockpit en VR, tu vomis. Non, la vue cockpit avec le Faucon Millenium et t'entends Chewie qui t'engueule et tu le vois un petit peu tu le vois un tout petit peu, tu vois juste un quart de ses poils et puis tu l'entends gueuler Harrison Ford et il me semble que c'est pas la vraie voix d'Harrison Ford. Non, ça, elle a été trafiquée, je crois. Les visages d'ailleurs sont un peu moyens, moi je trouve, ils sont pas hyper bien modélisés. Leia ça va, mais Han Solo suivant l'angle il ressemble pas du tout, quoi. Il ressemble un petit peu à la figurine Disney Infinity sur certains angles. Est-ce qu'ils avaient le droit déjà peut-être de modéliser Luke Skywalker assez ressemblant en soi? Ouais. On a oublié de préciser aussi, il y a Palpatine dans les héros qui est complètement nul. Il jette des éclairs et c'est naze. Et puis il se déplace comme un tournevis. Oui, c'est une torpille. C'est une tortillasse, quoi, le truc, quoi. C'est ça. Honnêtement, c'est pas le meilleur quand tu fais affrontement héroïque ou quand tu le chopes en héros, que tu sois empire, enfin que tu sois dans l'empire, parce que tu tires, je sais pas combien, 6 fois sur sa tête, il est mort direct. Alors qu'avec d'autres héros comme Dark Vador et Luke Skywalker, qui sont ultra cheatés, bon, déjà avec leur pouvoir, la force, quoi, déjà, Palpatine, c'est, bah, je suis désolé pour vous si vous tombez sur lui, parce que honnêtement, vous n'avez pas duré longtemps avec lui. Ouais, non, quoi. Ça, c'est vrai que celui-là est un peu en dessous, quoi. C'est un peu le Joker pourri, quoi. Carrément. Tout ça se passe sur des planètes, donc il y en a quatre pour l'instant, donc il y a des itérations, hein, donc il y a Endor, donc la planète des Ewoks. Oui. En Espagne, qui est juste magnifique. Ah oui. C'est un truc. Les Ewoks en Espagne. Ouais. Mais ouais, non, Andor est juste hallucinant. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu qui est magnifique. C'est sincèrement, c'est quasiment le plus beau jeu de la PS4. L'un des plus beaux jeux de la PS4. C'est un truc de ouf. Sur Andor, il y a une partie de map où il pleut et tu vois l'eau qui coule sur les feuilles et tout, quoi. C'est un même truc sur, de ouf. Même sur l'arme aussi. Enfin, tu vois la petite éclaboussure. Enfin, c'est juste vraiment ouf. C'est un jeu en ultra, à mon avis, sur PC. Il envoie le pâté. Donc, il y a Andor, il y a Hoth, donc la planète de glace qu'on voit au début de l'Empire contre-attaque. C'est ça. Il y a Sorosub, donc c'est une planète où il y a de la lave. Et il y a Tatooine, donc la planète de... Pas bah, aussi de naissance de Luke Skywalker au final. De Luke et de Anakin, donc enfin. C'est Vador, ça. Voilà. Donc il y a tous ces endroits-là, il y a ces quatre planètes pour l'instant, hein, il y a un season pass, il y a plein de choses qui arrivent, et donc il y a des itérations, genre je crois qu'il y a 3 ou 4 versions sur Andor, sur Hoth, et ainsi de suite. T'as des maps qui sont plus adaptées à par exemple la suprématie ou autre chose. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a que 50 rangs. Donc c'est très peu, moi je les ai atteints en 2 semaines, c'est le level cap. Une fois qu'on est rang 50, il se passe plus rien pour l'instant, on ne sait pas. Il y a aussi, j'avais noté, il y a que 11 flingues. Donc ouais, c'est très peu, mais ça sent le enfin honnêtement quand tu vois l'armada, tu sens direct, il faut que tu achètes le season pass. Est-ce que tu crois qu'ils vont en rajouter des guns? Après il y a un peu de tout, il y a du pistolet, il y a du sniper, il y a de la mitraillette, il y a du lance-roquette laser, il y a même un fusil à pompe laser. Mais quand tu dis 11, c'est tout ça mélangé ou c'est 11 pistolets, 11 mitraillettes ou 11... Ah non, c'est 11 en tout. 11 en tout, ouais, que ce soit des mitraillettes, des canons, enfin c'est mélangé quoi. Et non, mais je pense honnêtement, ça sera prévu dans le season pass et voir peut-être, bon là je sais pas, mais peut-être qu'il y aura des options sabre laser, je ne sais pas. Après je dis ça comme voilà, comme une... Tu vois des Stormtroopers toi avec des sabres laser? Bah pourquoi pas quoi, tu vois, enfin ça peut être rigolo, mais ouais. Des sabres laser dans un laps de temps, tu vois, genre quand t'as des enfin ouais, genre un jeton ouais, sabre laser. Ouais, sous forme de jeton quoi, tu vois, que tu achètes sous forme de carte, tu vois, et que pendant un laps de temps, ben t'as un sabre laser ou quoi que ce soit, ou justement détourner l'ennemi par grâce à la force. Je sais pas, mais moi je trouve que 11 au niveau de l'armada, c'est faible pour un sachant qu'en plus ce qui est assez troublant, c'est qu'on a qu'une arme à chaque fois. C'est pas, on peut switcher entre deux armes comme un Battlefield par exemple, un petit gun et un fusil. Là, on en a qu'une. Tu l'as choisi au début. Donc voilà, t'en as qu'une. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont créé un système de cartes. Donc il y a une trentaine de cartes que tu débloques avec de l'argent et suivant ton niveau, et ensuite t'as le droit d'en choisir que 3 dans toutes celles-là. Et donc tu te fais une main entre guillemets, et dès que tu passes le niveau 30, je crois, t'as le droit à un attribut qui te permet d'avoir ta vie qui remonte toute seule. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc dans les cartes, par exemple, moi je me suis fait un hub à partir du niveau 13. T'as le jetpack qui se débloque, donc j'ai le jetpack, une carte qui me permet de voir à travers les murs, et l'autre c'est quoi? Si, c'est la grenade qui explose à l'impact. Ah oui. Et donc chacun peut se faire un peu sa main. Ça c'est pas mal. Je trouve que c'est une bonne idée quoi. Ouais, c'est une bonne idée, mais il me semble que tu je sais plus dans quel niveau tu as une main secondaire. Il me semble à un certain niveau. En fait, à partir d'un certain niveau, tu peux en créer une autre, et en fait, suivant le mode de jeu que tu choisis, bah tu peux switcher d'une à l'autre dès que tu meurs en fait, comme si tu changeais de classe dans l'idée. Mm. Donc toi, c'est pas mal ça. Mais ce qui est sympa aussi, c'est que quand tu joues avec tes potes, tu peux avoir alors si tu joues en partenaire avec un de tes potes particulier, c'est ça. Tu peux avoir la main de ton partenaire, c'est-à-dire genre par exemple, il a un niveau supérieur que toi. Tu prends la main de ton partenaire. Voilà, Battlefront, les mains partenaires. Voilà, c'est exactement ça. Non mais voilà, si vous voulez par exemple, il y a un pote à vous, il a un niveau supérieur comparé au vôtre, vous pouvez prendre sa main par exemple, s'il a une main avec le jetpack et comment ça s'appelle, la fonction barrage qui envoie des espèces de petites bombes. Oui, 3 grenades d'un coup quoi. Voilà, 3 grenades d'un coup, et c'est super sympa pour les espèces les petits AT-AT, ça, ça les défonce bien. Et si ton pote, il est manchot, tu fais comment? Bah écoute, là, bah, tu fais mobilisez-vous, 36, 37. Non, tu lui tiens le coude, peut-être. Par le moignon. Non, bon, bref, pour conclure un peu, histoire qu'on déborde pas trop, il y a aussi un système de défis, donc il y en a 3, on peut les acheter, ça coûte 500 crédits, parce qu'il y a la monnaie du jeu, c'est des crédits. Donc il y en a 3 qu'on peut choisir, en fait, c'est aléatoire, t'en achètes, ça peut être n'importe quoi, genre tuer 75 personnes au blaster laser, faire ci, ça. Donc ça c'est pas mal parce que ça rapporte beaucoup d'XP, mine de rien. Bah tout dépend, en fait tout dépend du défi, parce que si c'est vraiment par exemple. Alors oui, il y a plusieurs, oui, bien plusieurs sûr. Sommes. Mais et des fois, bah je trouve qu'il y a certains défis qui se répètent, c'est-à-dire que genre par exemple, voilà, je fais 50 éliminations au blaster à la tête, et puis ils me disent faire 50 éliminations, quoi. Tu vois, enfin je trouve que c'est simple. C'est des fois répétitif, et des fois quand tu par exemple vous pouvez changer le défi si vous trouvez que c'est trop dur. Par exemple moi je suis tombé sur voilà, il fallait faire 50 éliminations au TB TT, donc les espèces de chiens mécaniques, si je dis pas de bêtises. Déjà sur la map de Hoth, 20 contre 20, c'est assez chaud de choper la pièce. Déjà t'es plus concentré par l'objectif, c'est-à-dire de déconnecter ces machines là et ensuite prendre le contrôle au niveau de la map. Voilà, tu as possibilité de changer tes défis suivant si tu trouves que c'est dur ou ouais, tu te sens clairement. Pas trop. Et si t'en as que tu préfères. Oui aussi. Tiens, il y a Bibine qui nous dit les guns sont prévus. Ah, tu vois, ils vont sûrement rajouter des flingues. 15 euros les armes, 15 euros les armes. Non mais tu vois, dans le Star Wars 7, je pense qu'il doit y avoir un certain armada d'armes, parce que vu comme c'est nouveau. Voilà, et peut-être, je sais pas, peut-être du sabre laser, ça pourrait être sympa, quoi. Ouais, j'avoue. Qu'est-ce que je voulais dire? Si, moi, ce que je reproche un petit peu, c'est au niveau des personnages. Il y a un grand listing, mais ils sont pas trop foulés. C'est à chaque fois un grand mec, un moyen, un petit, type asiatique, un black, une autre espèce. Non, mais c'est vrai. Barbe, pas barbe, moustache, ça s'arrête là. T'en as 3 à chaque fois. Et ensuite, bah, tout à la fin, dès que t'atteins niveau 40, t'as des personnages un petit peu plus sexy de la saga. Il y a un mec qui ressemble à Greedo. Voilà, t'as pas mal de choses. Et t'as niveau 50, si t'as une nana qui a la tête bleue, oui. C'est l'espèce de je sais plus quelle planète. Elle a 2 cornes derrière. Oui, on la voit dans La Revanche des Sith. Je sais pas comment ça s'appelle, mais il y a ça et il y a un Stormtrooper noir. Alors moi, ce qui me fait peur, c'est niveau 50, donc j'ai débloqué tout à l'heure, c'est que bah dans même pas un mois, tout le monde soit en Stormtrooper noir, quoi. Clairement. Ouais. Non mais mais honnêtement, enfin, je pense qu'ils ont prévu, ils l'ont dit hein, récemment qu'ils allaient avoir beaucoup de contenu et des contenus gratuits aussi, que ça va être assez constant au niveau du season pass. Ouais. Bah, comme mais, la bataille de Jakku. On va en parler vite fait. Ouais. Mais vas-y. Du coup, à la bataille de Jakku, donc c'est le premier DLC gratos. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 4 DLC payants prévus dans le season pass qui coûte 40€, 39 si je dis pas de bêtises. Ouais. Et donc là, en fait, il est sorti aujourd'hui pour ceux qui ont précommandé le jeu. C'est très important. Et il sort le 8 pour tout le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si t'as acheté le season pass, c'est pas valable pour toi. J'étais hyper déçu. On voulait y jouer tout à l'heure. Et même si t'as acheté le season pass, c'est pas bon. Il faut avoir préco le jeu. T'as encore un truc à la con, quoi. Ouais. Donc ça, ils ont un petit peu halluciné là-dessus, je trouve. Bref, rapidement, conclusion. Goustique, toi, t'es plus, t'es moins? Bah, les plus, bon, ça reste voilà la qualité sonore, l'ambiance. On est vraiment dans la première trilogie de Star Wars. Les moins, j'ai envie de dire l'armada, quoi, parce que je trouve que t'as vite fait le tour. Si tu fais bien tes parties, tes objectifs, t'arrives à gagner tout ton stock, et puis ensuite t'as pas grand chose à faire. Mais j'aimerais bien qu'il y ait un serveur privé, quoi, sur certains modes. Ça pourrait être sympa. Ouais, carrément. Et puis ils ont dit que ça viendrait. Hein. Et puis bon, je suis désolé, mais je vais faire mon rageux, mais je pense que plusieurs personnes sont comme moi, mais 50€ un season pass, je trouve que c'est excessif. Alors ça joue sur la hype Star Wars, bien sûr, mais il faut arrêter. Enfin, faut arrêter de prendre des gens pour des pigeons, quoi. Sérieux, enfin, 50€, je trouve que c'est cher. C'est-à-dire que moi, je l'ai payé 50€ en plus, hein. Star Wars Battlefront, il était en promotion dans un magasin, au lieu de 70€. C'est-à-dire que j'ai payé, en gros, les gens ont payé la moitié du jeu. Eh oui, oui. C'est-à-dire que on prend l'exemple de la pizza, ben, t'as acheté la pâte et la sauce. Bah, sans parler de pompettes. Donc, t'attends le râpé, le gruyère et l'olive, quoi. Alors, pour rassurer les auditeurs, hein, si vous achetez Star Wars Battlefront, il y a déjà de quoi faire, quand même. Oui, bien sûr. Et puis, il y a des DLC gratos qui arrivent, mine de rien. Parce que beaucoup de gens râlaient pour le contenu, mais il y a de quoi s'occuper. Évidemment, nous, en 2 semaines, on arrive au level cap, mais parce qu'on est des cochons, quoi. Enfin, moi, je joue 8 heures par jour, hein, ça m'arrive. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis j'ai du skill aussi, donc c'est pour ça que c'est monté vite. Ça dépend sur certaines maps. J'ai du skill. Bah moi du coup dans les moins, bah y a pas grand chose. Si le season pass qui pique un peu, le coup de la map aussi que j'ai mal pris. J'aurais bien voulu jouer à la bataille de Jakku aujourd'hui. C'est pas normal. Sinon non, pas grand chose. Si les personnages qui manquent peut-être un petit peu de panache, quoi. Tu vois, on va tous se retrouver, on se retrouve tous avec les mêmes au final. Donc ça c'est un peu con. Sinon dans les plus, bah voilà, fanboy de Star Wars, donc évidemment ça me plaît. C'est un truc de ouf. Je trouve que l'univers est franchement respecté, mais c'est un truc de malade. Dans les plus, je mets l'espèce de grenade ionique qui dingue. C'est une espèce de grenade, tu la jettes, ça fait et en fait il la jette dans l'espace, je crois que c'est dans le deuxième épisode, dans l'épisode 2, et celle-là tu la jettes, en fait elle aspire tout ce qu'il y a autour, elle fait une bulle, elle aspire tout dedans. Le son me rend fou, ce jeu a un sound design de dingue. Jouer dans des bonnes conditions ou au casque, vous allez halluciner quand cette grenade elle pète en vrai. Mais des fois tu la jettes, toing, et t'es là, 500, ah il y avait 5 personnes dans la pièce, désolé. Ça c'est génial. Les courses d'avion, ce serait bien qu'ils en mettent d'autres. Ce qui serait top, ce serait parce qu'ils t'en montent une prémisse dans la formation où tu fais une course de d'air speeder là. Sincèrement, un petit DLC, voilà, bon, on a plus le choix maintenant, le jeu est sorti, mais avec une course de pod, ce serait top. C'est un peu ringard dans le film et tout, une course de pod en multi, mon pote, à la Mario Kart, tu vois. Ah ouais. Ce serait cool. Ça serait pas mal. Voilà, un truc comme ça, quoi. En tout cas, moi, ce jeu, sincèrement, je le kiffe beaucoup. Ça a été une des claques de cette année, franchement. Je le trouve superbe. Y a un vrai kiff. Et ce que j'aime bien, c'est que il est plutôt équilibré, je trouve. Parce que moi, généralement, que ça soit dans Call of ou compagnie, je suis assez nul dans les multis. Et là, je suis dans le haut du panier. Je dis pas ça pour me la raconter, mais pour une fois que c'est vrai, je le dis. Je suis assez balèze et je suis assez content de ça. C'est pas un Call of où tout le monde planque et tout. Tout le monde est un peu au même pied d'égalité. Et donc, t'as tout le monde qui court, finalement, avec le même gun. C'est pas un gun que t'as amélioré parce que t'es niveau 72 ou t'as acheté le DLC parce que t'as acheté le ressort qui va bien, qui fait que ça perfore. Tu vois ce que je veux dire? Là, tout le monde a le même flingue, donc tout le monde court dans tous les sens et c'est top. Et puis, flinguer du Stormtrooper, ça fait zizir. J'avoue. Ah, juste une dernière remarque au niveau des moins, c'est juste les déplacements. Je trouve qu'ils sont trop bons et ils auraient dû mettre un peu comme dans les Call of Duty des glissades pour que le déplacement soit plus fluide et un peu plus dynamique, parce que je trouve que, ok, ça reprend la première saga. Mais au niveau des déplacements, faut arrêter, quoi. Je veux dire, enfin, t'as l'impression d'être dans les années 70, genre il marche à cloche-pied, quoi. Le problème c'est que ton bonhomme il court, tu fais rond pour faire genre une glissade, il court et il s'arrête, il s'accroupit. Ouais, ça c'est moche. Donc ça aurait été sympa une petite glissade, quoi. C'est vrai. Mais voilà, sinon il y a plein de clins d'œil de ouf. Il y a la bouche du Sarlacc sur une map. Il y a même une cinématique où au second plan derrière il y a deux Stormtroopers qui se cognent la tête comme dans le film. Non, franchement, c'est du fan service, on est d'accord, mais c'est beau, quoi. Et sincèrement, tout au courant de l'année, moi, j'ai pas arrêté de gueuler à cause du prix du Season Pass. Je l'ai acheté rien que pour voir la beauté des maps. Les mecs, ils ont fait un job. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que Battlefront, comme il est là graphiquement sur PS4 et One, sur PC, c'est autre chose, mais que ça devienne un standard. Un standard graphique. Ouais, mais attention, là, t'as affaire à DICE. DICE, eux, ils savent faire quand tu vois les Battlefield. Oui, oui, non, clairement. C'est déjà à la base, comme ça, ils ont leur moteur graphique, c'est pas Frostbite? Si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Donc, il a déjà fait ses preuves plusieurs fois, et clairement, c'est un. Alors, à l'époque, c'était CryEngine qui faisait de super bons trucs avec les jeux Crysis et compagnie. Maintenant, c'est le Frostbite qui est vraiment au top au niveau des graphismes. Après, le truc, c'est que est-ce que tout le monde aura envie de payer la licence pour exploiter Frostbite? Je suis pas sûr. Il y a beaucoup de jeux qui tournent sur Unreal Engine, qui peuvent être pas mal, mais qui demandent beaucoup de boulot, et ça, je suis pas sûr qu'on soit prêt de le revoir de sitôt. Sauf que, t'as vu, il y a une news qui est sortie, Sony ouvre le 7e cœur de la PS4 aux développeurs. Ah oui, oui, clairement. Peut-être qu'on aura des jeux effectivement beaucoup plus puissants, à voir. Ça se tente. Bon, en tout cas, bonne pioche. Après, il faut une bonne connexion quand même. On a tenté des streams avec, c'est assez compliqué. Oula, hein. Moi, j'ai un problème de connexion en plus en ce moment. Donc, j'ai le bonhomme qui il avance pas droit, quoi. Genre, tu fais un bond en avant avec le jetpack. Faudra qu'on m'explique ça. Tu fais un bond en avant avec le jetpack. Tu te retrouves 6 mètres plus loin, derrière toi, dans ton dos. Tu vois, genre, t'avances et tu recules. Comment veux-tu? C'est assez chelou. Bon bref, voilà, j'espère qu'on vous aura aidé à faire un choix, à faire votre choix sur Battlefront. Voilà, si vous êtes fan de Star Wars, bah de toute manière, c'est Bazaï, parce que ou vous l'avez déjà, ou vous allez l'acheter. Et puis si vous êtes plus Star Trek, bah c'est Bazaï aussi, il faut attendre un peu. Qu'il y ait un jeu Star Trek. Oula, ça sera pas demain en tout cas. Ouais. Donc voilà, la semaine prochaine, on se fait le test de Just Cause 3. Ouais. Ça pue un peu. Ça pue un petit peu. Il est pas terrible. Qui reste? Ah non, j'ai rafraîchi la page, donc du coup, je n'ai pas vu les derniers messages sur le Twitch. Bravo. En tout cas, merci à ceux qui nous ont suivis pendant toute cette émission. Ils sont encore 6, les 6 courageux. Et puis voilà, quoi. Qu'est-ce qu'on s'écoute après? Il y a Amaren, Alabak, Walar, Zahara. Oula, je connais pas. Ça a l'air sympa. Ça a l'air de l'accord. Ça donne envie de faire une tagine. Ça sent le sable. Ça sent la galette. Yes, eh ben bonne soirée à vous, bisous les poulets. Bisous. Bisous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et puis il y a du stream peut-être demain matin. Je vais voir sur la chaîne, sur du Just Cause. On va tout casser. Allez bisous, bonne soirée, bye bye. Bye. Ciao. Retrouvez Eau de Radio en ligne sur eauderadio.net. Eau de Radio, la radio des Hautes-Garonnes.